Oui, c'est très joli. Oh, Moi, je viens aussi de lui que je te parlais tout à l'heure. Thanks, I'm your mommy. C'est la maman dont il faut parler. Soyez là, bienvenue. Merci, maman, merci. Je suis le frère junior de Douala. Oui, d'accord. Douala Centre. Oui, j'habite à Douala. Oui. Oui. Je suis de l'Ouest. Ah, ok. De quel coin de l'Ouest? De Bangante. Bangante. Je suis très contente. Surtout d'entendre le côté de l'Ouest de Bangante. J'ai la bonne nouvelle. Tu es grand. Tu es de l'Ouest aussi? Non, je suis du littoral. Du littoral. Je suis Bakoko. Bakoko, ok, Dingoudi. Bakoko Dédé. Dédé, ok. Donc, ça, la maritime. Oui. Je suis dans ton territoire. Merci. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Amen. Ça va, mon cher? Non, assieds-toi. Merci beaucoup. Assieds-moi sur Maroc. Ah, oui. Je suis à Casablanca. Et Camerounais. Oui, Camerounais. Ça va? Déjà, les noms. Je suis comme Ernest. Comme les bons mots. Comment tu t'appelles? Jaurès. Ça va, mon frère Joubert? Oui, ça va. Ça va. Ken, que Dieu vous bénisse, d'accord? Que salut maintenant, vous savez. Que Dieu te bénisse. Moi, je prends. C'est un frère Francis. Donc, on peut travailler ici sans problème. Sans problème. En fait, c'est l'air. C'est l'air. Non, c'est l'air qui. On peut le faire ici. Ok. Je suis dans votre service, je suis venu chez vous à Tanger. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie, n'est-ce pas? Amen. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment dans cette maison. Merci, Père de gloire, pour nous tous qui sommes dans cette maison. Merci pour cette maison qui nous accueille ici à Tanger. Merci, Père de gloire, que ton nom se soit glorifié. Ton nom se soit magnifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce peuple, Père de gloire, que malgré la séduction de ce siècle, si oh Dieu a décidé, Père de gloire, de te suivre et d'écouter de toi. Merci, Père de gloire. Et je prie, Père, que tu apportes des bénédictions sur leur cœur, afin que leur âme soit toujours connectée à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je suis à vous de servir. C'est comme vous voulez maintenant. On était justement en train de partager des questions-réponses avec la Bible, oui. Avec ceux qui étaient là déjà. On a brossé beaucoup de sujets, en particulier l'alcool, le problème de l'église. Est-ce que c'est du pasteur qui vient le problème? Est-ce que c'est des brebis qui viennent le problème? On a brossé tout ça. Okay. On était justement aussi sur... Sentez-vous aller poser les questions, n'ayez pas peur. Où est-ce que je suis dégagé, non? Il avait posé la dernière question, c'était sur pourquoi. Non, non, laisse le poser, puisqu'il est là. Okay, vas-y, donc, c'est simple, c'est pas pour les gens. Il peut participer maintenant. Oui. Bon, on était en train de parler, on a touché un peu beaucoup de points. Oui. Le dernier point qu'on était en train de méditer dessus, c'était sur le point d'alcool. Oui. Si c'est bon ou mauvais, si l'existence de l'alcool a un but. Oui, comment c'est ce qu'on est en train de parler. Que vous arrivez à quelle conclusion alors? La conclusion n'a pas encore atteint parce que j'étais sur le point de lui donner un passage dans Genèse pour voir que Dieu c'est lui qui a tout mis en place. Oui. Et même le moteur de déclenchement c'est lui qui est lui. Donc il fallait qu'il y ait de l'alcool afin qu'il puisse se manifester d'une façon ou d'une autre pour dire que voici, ça c'est pas bien, c'est ce que je veux de vous. Oui. Ok, vous pouvez voir ça. C'était dans le livre de Genèse que j'ai lu à Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est bon. C'est ça le passage que je Je reste même dans le sujet. Tu comprends pourquoi de ce passage? J'ai compris qu'il avait bien les mains. Et qu'il avait, qu'il les avait placés là-bas. C'est dur. Et Dieu te veut maintenant faire le mal parce qu'il avait placé le mal là-bas. Non, mais pour sauf qu'il avait, il y avait deux arbres, il y avait le mal et le bien. Mais il avait créé l'arbre du mal. Non, mal, c'est un seul arbre qui a commencé en tout cas. Bon, voilà. Mais il a créé ça dans un but. Il faudrait que le mal puisse être pour savoir qu'il y a le bien. Et c'est aussi lui qui dit, voici, je place devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie pour vivre. Donc, c'est pour ça qu'il a dit qu'il y a un but. Un but, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un but. C'est pas pour autant dire que l'alcool est bon pour nous les chrétiens. C'est des questions, je vais répondre. Tant qu'il n'y a pas de questions, je vous observe. Oh, enfin, moi j'ai deux donc. Non, il faut qu'il pose la question d'abord. Il faut qu'il pose la question, sinon moi je lui pose la question. Non, moi, c'est... Moi, j'aimerais beaucoup. Maman, après la réunion, je vais te parler, d'accord? D'accord. Il faut qu'on parle à deux par rapport à ce que je viens de regarder. D'accord? Ça viendra. Ok, les questions viendront. Non, moi, j'ai pas de questions. Il y a beaucoup de questions. Eh bien, si tu as des questions, si tu n'as pas les questions, donc tu as les réponses. Ça veut dire que si on pose des questions, tu réponds alors. Non, c'est pour toi. Oui, balancez les questions, donc, déjà. Enfin, j'ai moi, je commence. Non, pas encore. Oui. Ok. Faut penser sur vous. Vous l'avez un goût. Qui ça? La Bible, tu m'avais dit qu'il faut. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé. Peut-être que c'est vrai que tu m'entends et ça, ma Bible, ça fait souci. Waouh! Ça, c'est la Bible des pasteurs. Je peux l'accepter. Si tu acceptes la grosse Bible, c'est que tu es un gros pasteur. Amen. Ok. Je ne suis pas fait ainsi. Oui. Il nous a dit ça tout à l'heure, la Bible, depuis qu'on avait, on a envoyé ça en France pour les enfants qui sont en France là-bas. On aurait dû prélever une Bible là-bas pour toi. Regardez l'état de ma Bible, tellement usée. Eh, voilà, voilà la mienne alors, c'est grave. Regarde. Ok, première question. Franchement, moi je veux juste savoir, est-ce que je veux vraiment comprendre, quand on dit qu'une femme ne doit pas prêcher, oui, évangéliser, est-ce que quand je suis avec mes frères comme ça, parce que moi, je le fais beaucoup. Oui. J'ai des amis comme ça en échange des versets bibliques. Et c'est beaucoup plus moi qui donne les versets comme oui. ça. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que le fait d'échanger, c'est ça évangéliser? Oui. C'est de ça dont je les questions. Une femme ne doit pas faire ça. Comment tu quêtes? Pourquoi là, ça devient en question? Ça me vient en question parce que je ne veux pas. Je ne veux pas être désobéissante. Je veux savoir est-ce que c'est bien ou c'est mal. Parce que selon la Bible, en fait, je sais déjà que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais non, je ne sais pas si ce que je fais, c'est aussi l'exhortation. Je veux comprendre si c'est l'exhortation ou c'est ça. Bon, voilà. Il faut d'abord qu'on regarde quelque chose au niveau de la Bible. Quand la Bible parle de l'exhortation, tu dis, lorsque tu avais des gens, c'est toi qui donnes le verset biblique. On n'exhorte pas ceux qui sont à l'extérieur. Tu vois cela? Oui. Il y a le groupe, il y a deux groupes, il y a l'intérieur et l'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ceux qui sont, c'est un peu comme l'évangélisation. On n'évangélise pas les chrétiens. Tu vois la différence? Oui. Les chrétiens ne sont pas évangélisables. Parce que le but de l'évangile, l'évangéliser, ça veut dire qu'aller annoncer la bonne nouvelle. Oui. Parce que si quelqu'un est chrétien, ça veut dire qu'il a déjà entendu la bonne nouvelle, il y a cru, donc on ne peut plus les évangéliser. Quand ils sont à l'intérieur maintenant, ils ont d'autres ministères qui les concernent. On les enseigne pour pouvoir les édifier. On les exhorte. Et exhorter, ça veut dire encourager. D'accord? Encourager pour qu'ils soient dans cet endroit-là. Donc, tu ne peux pas quitter, tu dis que non. Je m'en vais vers le Père pour les exhorter. Ça ne se passe pas. L'exhortation se passe à l'intérieur du corps. D'accord? Mais maintenant, l'enseignement peut être fait maintenant à l'extérieur. Parce que l'enseignement, c'est le domaine le plus compliqué de la Bible. L'enseignement, c'est le domaine le plus compliqué de la Bible. Quand tu demandes aux gens de façon moderne dans la Bible, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant? Il va te dire qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui prend les écritures, il décortique. Mais vous regardez la Bible, ce n'est pas ça. Ouvrez Matthieu chapitre 5. C'est la Bible là-bas. Le Nouveau Testament. Où est-ce qu'on peut? Moi, tu sais. Il n'aime pas la version. C'est quoi? C'est quelle version déjà? Non, non, non, laisse. Alliance biblique universelle. Alliance biblique universelle, c'est bon. Alors, qui va lire à partir du verset 1? Lis, mon frère. Tu as dit que tu t'appelles comment? Ken. Ken. Ok. Que Dieu te bénisse. Oui, allons-y, verset 1 du chapitre 5 de Matthieu. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne. Oui. Et après qu'il se fut assis, oui, ses disciples s'approchèrent de lui. Oui. Puis, ayant ouvert la bouche, oui, il les enseigna. Stop. Vous avez vu comment on a utilisé le mot là-bas? En lui ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il enseigna qui? La foule. La foule. Et dans cette foule se trouvent ses disciples et ceux qui ne sont pas ses disciples, qui suivaient seulement. Mais maintenant, l'enseignement est différent. C'est ici on a entendu le sonner. Non. Ou bien c'est le casque. Je vais mettre un petit service. Ouais. Et donc, il dit, oh, ils ouvrent la bouche maintenant. Il va leur enseigner certaines choses. Et là, il va donner plutôt des anciens. Des anciens, des théorèmes. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Vous êtes des scientifiques ici. Bien sûr. Et voilà les théorèmes. Il va donner le théorème. Le théorème, c'est quelque chose qu'on développe plus tard pour qu'on puisse bien saisir. Premier théorème. Heureux les pauvres en esprit. Ouais. Tu as vu ça? Oh, maintenant, si on demande à un enseignant, c'est quoi un enseignant? Un enseignant, c'est quelqu'un qui prend la parole, il explique que ce soit clair. Ok, maintenant, il dit heureux les pauvres en esprit. Il a expliqué ça, frère. Mais on a dit au préalable qu'il les enseigne, il ouvre la bouche, il les enseignait. Aujourd'hui, cet passage s'est fait l'objet de beaucoup d'enseignements. Quand Jésus disait que heureux les pauvres en esprit, il voulait dire que vous qui êtes comme ça, tu vois, ça c'est le rôle des docteurs maintenant. Or, on a dit ici qu'il était allé les enseigner. Donc, vous voyez, effectivement, lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on va dire aux femmes que non. Quand tu lui dis ça, tu n'es pas l'enseignement, c'est l'exhortation. Jusqu'où va la limite? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il y avait un autre frère, un apôtre, qui m'avait dit face à face que non, l'enseignement égale l'exhortation. Il est arrivé comme ça, j'étais étonné. On dit de façon spécifique qu'il y a un apôtre dans la Bible quand son ministère était l'exhortation. Donc, il savait dire que sa part était l'exhortation. Il passait pour voir les gens qui étaient abattus et là-bas, il les encourageait, mais il était apôtre, mais dans ce domaine-là. Des gens qui portaient la parole, qui étaient censés dispenser les mystères des différentes grâces de Dieu, étaient différents, dans les différents ministères. Et la Bible déclare dans 2 Timothée 2, chapitre 3, verset 16, que la parole est donnée pour encourager, pour instruire, pour exhorter. Dans Romains 12, verset 3 à 16 à 8, on met la clé différente entre l'enseignement et l'exhortation. Parce que là-bas, on dit que celui qui appelle à l'enseignement s'attache à son enseignement. Celui qui a l'exhortation s'attache à l'exhortation. Donc, ouvrant seulement la bouche pour dire à quelqu'un que, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est Dieu, c'est un enseignement. Continue, mon cher. C'est quoi du pauvre en esprit? Il faut l'enseignement pour ça. Mais écoutez, on a dit tout à l'heure que Jésus-Christ a ouvert la bouche, il les a enseignés. Quand on les enseigne, ça veut dire qu'on te donne un enseignement, c'est bon, on te dispense quelque chose pour que tu comprennes ce qu'il dit. Et la Bible déclare qu'il ne leur parlait point sans parabole, afin que ça accomplisse ce qu'elle dit. J'ouvre ma bouche et publie ce qui est caché. Et il ouvre la bouche comme ça, il parle, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Mais la Bible déclare qu'il leur enseigne. Ça veut dire qu'il ne parlait pas à leur corps, il parlait à leur esprit. Continuez, deux versets, puis on arrête là-bas. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mmh. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Consolés. Oui. Heureux les bonheurs, car ils hériteront de la terre. C'est bon. Non, je vous laisse m'arrêter là-bas. Vous voyez qu'il y a un problème entre les terminologies évangéliser, prêcher, exhorter, enseigner. C'est un truc qu'il faut prendre le temps pour enseigner, c'est pour que les gens puissent voir la différence. Donc, quand tu dis donc, revenons-toi à toi, que quand je reste comme ça, là, c'est moi qui donne le verset aux gens. Je sais que je ne dois pas évangéliser, je ne dois pas prêcher. Il faut comprendre la différence entre ces termes-là et à qui se référer. Quand est-ce qu'on dit qu'on évangélise? D'abord, la Bible est fondamentalement claire. On passe pour évangéliser ceux qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle. Les chrétiens, on ne les évangélise pas. L'enseignement peut être donné aux païens et aux non-païens. Tu vois cela? L'exhortation est faite uniquement pour ceux dont là, qui sont en Christ. Prenons chapitre 12 de Romains. Regardons bien cela. Chapitre 12 de Romains. Quand vous avez fini, vous avez trouvé, je vous dis ce qu'il en est. Mmh. Allons-y, verset 1 du chapitre 12. Romains 12. Oui, verset 1. Donc, je vous exhorte donc, frère. Stop. Vous avez vu la terminologie qu'il a utilisé? Je vous exhorte donc, frère. C'est parce que c'est ce... Lorsque vous voyez, on fait des courses, des cross-country. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui voient la chose se dérouler. On ne peut pas les encourager. C'est ceux qui sont dans le stade, qui courent, parce qu'ils courent, ils ont des moments de faiblesse, qui veulent lâcher, qu'on encourage. On dit que vas-y, vas-y, vas-y, continue, continue, courage, tu vas arriver. Tu vois? Il prend encore du souffle pour avancer. Ici, il dit, je vous exhorte donc, frère. Vous voyez le mot, n'est-ce pas? Frère. Frère. À offrir vos corps. Vous voyez? Donc, ça veut dire ici, c'est pour les frères que ça il en est d'encourager les frères à avancer. En passant à un autre niveau dans leur relation avec le Seigneur. Chapitre 14 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 14. Versets 22 et 23. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu, n'est-ce pas? On peut prendre ça, la 30 là, dans les évangiles et autres pour montrer ce qu'il en est. Donc, ce qui se passait donc partout, donc là, il fortifiait l'esprit des disciples pour les préparer à la vie difficile qui les attend. Il faut les préparer ainsi pour les encourager. Donc, il n'y a pas d'exhortation pour les femmes à l'extérieur du corps. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez aller exhorter. Vous allez encourager le monde à faire quoi? Parce que vous encouragez à faire quelque chose. Dans le corps, il a d'abord pris l'initiative. Il est d'abord dans le corps. Peut-être qu'elle peut avoir l'âme découragée parce que tel événement arrive. Peut-être quand elle fréquente, elle ne réussit pas. Ou telle chose n'arrive pas. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens pour l'encourager. Que ce n'est pas l'échec qui nous permet de renoncer à Christ. Beaucoup de nos échecs, oui, vous en dépendez les paroles d'exhortation pour l'exhorter à peigner ferme. Que tes parents, le fait que tes parents te rejettent, ne te donne pas de lâcher Christ, ne lâche pas. Avant, tu sais que Christ a été rejeté, il nous a dit de persévérer. Là, tu as de l'exhorter pour l'encourager par rapport à la situation présente. Tu ne feras pas ça avec un païen. D'accord? Des questions? Donc, la Bible est formée. Oui, mon frère. Oui, j'ai souligné ce problème-là ici, non? Quand je parlais là, qu'en fait, l'église actuelle a des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes dans tous les sens du terme. Sérieux problèmes. Et des profonds problèmes. Parce que les païens viennent, soi-disant, dans l'église, et les choses normalement qui ne sont pas censées recevoir sont enseignées aux païens. C'est pas normal. C'est pas normal. Mmh. Les païens ne doivent normalement pas recevoir certaines choses qui sont de la vie. Jésus avait dit de façon spécifique, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Des fois, il l'a dit aussi. Mmh. Amen. Jésus a dit ça. C'est pour ça que quand les païens posent certaines questions sur la compréhension des choses de la Bible, il ne le dit pas. Parce que ça ne lui servira à rien, ça lui fait plutôt du mal. Des choses pour les saints, c'est destiné pour les saints. Qu'ils comprennent les mystères du royaume. Amen. Pour le païen, il faut qu'il entre d'abord. S'il entre, il n'a plus commencé à comprendre. Donc l'église a vraiment des sérieux problèmes. En fait, c'est parce qu'on a fait, on a pris la réunion des les modèles de réunion mondaine où on peut rassembler tout le monde, comme les catholiques, on parle universel. On permet que tout le monde entre, on peut mettre des musiques mondaines, ainsi de suite et autres. Ça fait que les gens se sentent à l'aise, pour le faire à l'aise. Pour entrer d'abord dans l'église du Seigneur, il faut la déchirer. La déchirure, il faut la déchirure, il faut la séparation. Posez des questions, donc c'est intéressant déjà. C'est ce problème-là, cause de l'endurcissement. Cause de l'endurcissement. On ne peut pas faire autrement. Si quelqu'un est destiné à être endurci, tu ne peux pas l'arrêter. Parce qu'il y a des gens, quand même tu vas lui présenter la vérité, elle sera écrite, il va dire oui, mais. Monseigneur, oui. La Bible déclare que la parole est vie. Oui. Et comment faire vivre la parole au monde? Là, avant de répondre, j'avance sur un autre angle. Le chat vit. Tu as vu le chat, non? Oui. Tu vois que le chat a la vie proprement, oui. Sans que ça ne dépende pas de lui. Oui. La parole qui est vie, c'est pas cette parole, c'est qui est couché. Oui. Ça, c'est le livre, ce sont les écritures. Et cette écriture, si ça se trouve au ciel comme ça, ça devient vie lorsque le Saint-Esprit prend cela et rend réel pour toi. C'est donc pour cela que les gens peuvent lire ici que par ses mains dessus, j'ai été guéri. Par ses mains dessus, il reçoit juste ce qu'il a les maux de tête. Cette parole-là lui crée plutôt les maux de tête. Il passe ses mains dessus, je suis guéri, il a bougé la tête comme ça, pas de petit, by fire, by force. Quand il finit là, les maux de tête, le vertige l'arrête. Parce que ce n'est pas à force de répéter la parole que ça fait le fait. C'est donc pour cela que c'est le Seigneur qui doit faire des choses. Si c'est le Seigneur qui fait des choses, il prend la parole, c'est réel pour toi. Je vous prends un exemple. Prenez le psaume 34, je vais vous montrer quelque chose. Le psaume 34. Le psaume, c'est vrai au milieu. Bonsoir à Tanger, bonsoir à Tanger. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Tanger. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content d'être dans votre ville. Amen. Très content. On va aussi aller à la grotte d'Hercule, non? Oui, avec plaisir. C'est proche des genoux. J'ai dit quel livre déjà? Psaume 34. Psaume 34, disons du verset 4 à 8, voix. Oh, lisez à haute voix. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrant tout son nom. Mmh. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mmh. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Arrêtons-nous là-bas. 99% des chrétiens sont dans la dérision, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare ici, dans ce verset, que quand on tourne vers lui le regard, le visage se trouve point de honte, on est rayonnant de joie. Mais tu vois, il semble que ce sont les chrétiens qui semblent être les malheureux, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes viennent plutôt à Christ parce, à cause du matériel, ça bouge, oui. Tu vois, oui. Ou bien à cause des choses qui concernent le matériel de cette vie-ci. Et par conséquent, quand ils n'ont pas cette chose-là, c'est comment là? C'est comment? Vous voulez renverser ma soeur, c'est ça? Oui, moi je pèse pas. Ah, mais je tombe. Il faut que la soeur juge sa soeur de ce côté-ci parce que c'est plus. Toi-même, tu pèses. Toi, tu pèses plus que la soeur ici. Ouais. Tu pèses plus qu'elle donc. Mais moi, il pèse. De toute façon, si tu tombes là-bas, je continue la prédication. La Bible déclare ici dans ce psaume, il dit lorsqu'on tourne vers lui, exaltez avec moi l'Éternel, lorsqu'on tourne vers lui le regard, le regard, on ne se trouve pas de honte. Mais on voit manifestement que beaucoup de personnes fuient les choses de Dieu maintenant parce qu'on dit si tu pars là-bas, tu seras pauvre. Parce qu'en réalité, quand on vient maintenant de façon moderne, on vient à cause du matériel. Et par conséquent, notre expectative n'est pas accomplie. Quand ce n'est pas rempli, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve. Peut-être si ma façon de parler, si je ne comprends pas, me dit Jésus. Vous me comprenez? Ok, donc, ça dit une fille va venir chez Dieu. Entre guillemets, parce qu'elle attend le visa ou bien le mariage. Avec cela, elle attend. Quand on vient prendre sa camarade, elle dit que mince, qu'est-ce qui m'a fait? J'ai la malédiction. Subitement, elle commence à être abattue. Elle se fâche, elle rentre dans le moins, comment elle dit. Parce qu'en réalité, elle n'est pas venue à Dieu. Elle est venue à cause de quelque chose. Mais pourtant, la Bible dit ici que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on n'est pas couvert de propre et le visage se trouve rayonné, n'est-ce pas? Pourquoi elle a tourné le regard? Et son visage n'est pas revenant, mais elle s'est plutôt attachée. Parce qu'elle ne s'est pas tournée le regard vers lui. Elle fait tourner le regard vers les choses que Dieu a, en imitation de ce que les autres ont. À l'issue des témoignages qu'elle a entendus que d'autres font lorsqu'ils viennent chez Dieu. Mais le regard dont Dieu a dit de parler ici, ça n'a rien à voir avec ce que notre façon de penser. Que lorsqu'on tourne vers lui le regard, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne ce que vous dites, tourner vers lui le regard. Parce que tu tournes, la Bible ne peut pas mentir, il ne peut pas mentir. De répondre à la question comment espérer qu'on fait que ça devienne vie, c'est un exemple ici. Alors, maintenant, si je tourne les regards de la bonne façon, dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, la Bible déclare ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et quoi que bonsoir et bonne arrivée, la Bible déclare dans ce Philippiens 4, verset 6 et 7, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez, faites connaître vos besoins. Donc, j'ai un problème. Je soumets mon problème à Dieu. Il dit pas de prières, des supplications. Veillez-y avec action de grâce. Puis il dit, quand tu vas faire comme ça, il dit, et la paix de Christ. Vous avez vu le mot? Et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées en Christ. Donc, ça veut dire que cette personne-ci, s'il a un problème, il soumet à Dieu. S'il soumet de la bonne façon, malgré qu'il n'a pas vu le résultat, il aura la paix à l'intérieur. C'est cette paix à l'intérieur qui met la sérénité sur le visage. Parce qu'on se tourne vers lui, on s'attend au Seigneur. Mais quand les gens viennent de la mauvaise façon, qu'on a dit que j'ai ceci, je sais la tête et non la queue, Dieu n'a pas dit cela. Il dit on soumet pour que lui, il fait. Et quand on tourne de la bonne façon, malgré que les conditions physiques n'ont pas changé, il y a la paix, il y a la sérénité sur le visage. On peut dire, tu peux être dans dans le manque, tu es en paix et en joie. Rien ne te trouble à l'extérieur. Pendant que l'autre a ce même matériel, il n'est pas en paix. Il te pose la question de savoir comment toi tu fais pour être en paix alors que tu n'as pas ce que tu as demandé. Mais tu as une confiance à l'intérieur que ton père t'a écouté et il va répondre au moment opportun. C'est surtout ces choses que Dieu crée à l'intérieur qui donne l'expression du visage qui n'est pas abattu. D'accord? Continuons la lecture, je vais vous montrer quelque chose qui me concerne. Ce qui me concerne. Dans ce cas, pourquoi les chrétiens crient aujourd'hui? Ça ne répond pas. Ils ne s'en peuvent pas répondre. Donc, il y a un problème de fond. Quand un malheureux crie, voici par exemple la parole qui est couchée là. Oui. Comment faire que ça soit vie? Que ce soit vie, ça veut dire que ça soit réel pour toi. Oui. Que ce soit vivante. Oui. Ok, maintenant, oh, ce que j'ai crié à toi jour et nuit. Il a maigri. Et rien ne change. Pourquoi? Alors que là, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de tous ses traits. Continuons. Et il le sauve de toutes ses détresses. Oui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ok, maintenant, si l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, pourquoi le porc nous poursuit dans la, dans la nuit? Le porc dépasse l'ange. Hein, mes frères? Le porc dépasse les chiens. Le chien dépasse l'ange. Parce qu'on dit l'ange campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Mais le chrétien en danger, chaque fois qu'il se réveille, il a la sueur sur lui. N'est-ce pas? Je voulais tomber dans le trou. Je me suis réveillé comme ça. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Parce que c'est des choses, ce sont des promesses glorieuses que si vous avez, vous savez que quelqu'un se tient au devant de vous, vous n'avez pas peur de les événements. Les choses peuvent se passer au devant de toi, les gens ne voient pas ce qui se trouve autour de toi dans l'invisible. Parce que tu possèdes un appui ferme et solide. Continuons, c'est pas fini. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui marche et heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous c'est ça. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit, craignez-le. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc maintenant, avant de trouver que rien ne te manque, il faut d'abord que tu saches ce que je veux dire, craindre Dieu. Mais les gens, chaque fois les gens couvrent la bénédiction, ça regarde la condition concernant la bénédiction. Maintenant, je prends ces versets, c'est pour te dire, pour vous dire exactement une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais en train de prêcher. Une année, quand j'étais à Douala, j'étais en train de prêcher, j'ai prêché pendant 3 jours sans repos. J'étais à la maison comme ça. Les gens venaient de part et d'autre, ils posaient des questions. J'étais dans une maison comme ça, la chambre de Titien. Donc les gens venaient de part et d'autre, ils ne savaient pas d'où ils venaient. Donc quand quelqu'un venait écouter, ils sortaient parler, qu'il y a un gars là-bas qui dit des choses que on n'entend pas, que ces choses on n'entend pas. D'autres écoutent, ils disent, qu'est-ce qu'il dit? Donc les gens entraient, ils sortaient, j'ai parlé comme ça, comme je suis assis là. J'ai parlé pendant 3 jours. Quand ils parlent, vous croyez que c'est la blague? Ils disent, je suis resté là comme ça pendant 3 jours. Ils parlaient pendant 3 jours sans bouger de là où j'étais. Donc ils parlent, ma bouche, mes lèvres avaient reçu des coups. Et puis le troisième jour, je me suis rendu compte que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Il y avait la mamie déposée là-bas comme ça là. Et si elle avait ouvert la mamie, et elle avait des effets blancs dans la mamie comme ça là. Vous savez, quand on ne prépare pas pour longtemps, la mamie est devenue blanche comme ça. Quand j'ai ouvert mon sac, j'ai dit, c'est fort. À cet instant, cette écriture est venue à moi. Il dit, craignez l'Éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel, c'est la suite. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voilà l'écriture qui est couchée. Voilà la mamie qui est vide. Alors, mais comment tu vas faire que l'écriture fasse que la nourriture est apportée là? Tu vois le problème, n'est-ce pas? Dieu doit devoir venir sur la scène. Mais il y a une condition. Il a dit, craignez l'Éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Là, maintenant, j'ai dans le manque. Je ne peux pas dans le manque parce que j'ai créé cela, parce que c'est moi qui ai mis les conditions. Je m'étais plongé à l'intérieur, abandonné totalement à lui au point où je me suis oublié. À cet instant-là, mon téléphone a sonné. C'est une fille qui est venue et le premier jour à la maison pour suivre l'évangile. Quand elle a suivi, c'est la première fois, elle ne connaissait pas la route. Donc elle m'a appelé pour que je lui indique comment encore arriver à la maison. Je me suis dit, peut-être elle a encore une autre question. Elle a appelé, je lui ai indiqué la route. Quelques minutes plus tard, je vois, elle entre avec un sac comme ça. Elle dit, c'est quoi ça, ma soeur? Elle dit, hier quand elle est sortie ici, Dieu a dit, prépare la nourriture, va nourrir mon serviteur. Quand elle est sortie, elle est venue une fois, c'est la première fois qu'elle venait. Elle est venue une fois, j'ai répondu à ses questions, elle est partie. Donc elle est allée, la voix lui a parlé, sachant que le troisième jour, j'aurais faim, je demanderai la nourriture. Alors ici, le verset est accompli. Ok, maintenant, je mets la mamie là-bas. dépose. Seigneur, tu as dit que celui qui te craint, ne sont plus de qu'un bien. Après, ouvre les yeux, tu vois si la maman est remplie. Même si tu ouvres, la maman est remplie, tu vas manger. Tu vas encore douter que Seigneur, c'est vraiment, vraiment, vrai, vrai. Est-ce que c'est toi qui as mis un outil? C'est pas ça, frère. Donc, ces voix sont insondables. S'il fallait que j'essaie de voir si comment il va faire pour me donner la nourriture, tu vas penser à 10 000 solutions sauf celle-là. Parce que c'est une personne que tu ne te connais pas, c'est une première fois. Et ce jour-là, quand elle a fait ça, j'ai vu la nourriture, j'ai pas mangé. J'étais rassasié de sa présence et de ses bienfaits. Et donc, les gens qui venaient maintenant pour assister encore avec les voisins, ont mangé toute la nourriture-là, j'étais rassasié parce qu'il m'avait nourri. Sa parole devenait réelle pour moi. Je n'ai pas pensé que, Seigneur, tu dis dans ta parole que la parole est venue en moi. La parole est devenue esprit. Tu vois cela? Plusieurs fois, il y a des gens qui viennent chez qui je veux, ils disent, donne-moi telle parole. La parole que vous lisez dans la Bible, ça ne vous semble rien. La personne lit cette parole-là, ça ne semble rien dire pour vous. À cet instant-là, ça circoncit son âme. Poum, la personne tombe là en lisant la parole. Ou de la parole, vous allez voir par exemple que Nabajot a fait comme ça. Tu dis Nabajot a fait comme ça. Ça veut dire quoi Nabajot a fait comme ça? Que Abraham engendra Isaac. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Toi, tu ne connais pas pourquoi Dieu lui il a mis ça là-bas. Parce qu'il a dit, il dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Il n'a pas dit qu'il envoie la parole de guérison. Il n'a pas dit qu'il envoie les versets qui concernent la guérison. Il a dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Vous voyez? Oui. Donc, de les gens compliquent en disant que non, que mieux tombe à ton côté et Dieu met à ta droite en restant sans, en forme ça là. Si quelqu'un, les gens commencent à tomber en arrivant, à un moment donné, tu vas rester sans fuyant. Pour montrer que tu n'es pas stable dans la foi. Alors, la parole devient vie lorsque le Saint-Esprit rend cette parole réelle pour toi. D'accord? Si le Saint-Esprit doit rendre la parole vie pour toi, tu ne sais pas rester dans la parole que ça va devenir vie parce que ce n'est pas un mort pour qu'on puisse la réveiller. C'est le Saint-Esprit. Donc, la clé, c'est le Saint-Esprit. Il faut donc être en alliance avec lui pour que ça soit effectif. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont convertis, qui ne connaissent pas la Bible, mais ils parlent. Il dit que l'Esprit dit qu'il a dit qu'il y a la vérité et la vie. C'est là où tu es étonné que toi qui l'as vu, mais ça se trouve dans la Bible. D'accord? Il y a des musulmans qui sont convertis. Et Jésus est venu vers moi, il a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'a jamais lu la Bible, il n'a jamais entendu parler de la Bible. Toi, le chrétien qui prie chaque jour, tu n'as même pas encore une vision. C'est toi qui, quand ils ne font pas, tu dis que non, c'est déjà Jean 14, 600. Il t'a encore dit quoi? Il dit que je suis le sceptre, le vrai, le pain de vie. Il t'a dit ça, il dit oui. Tu ne connais pas la Bible? Il dit non. Il dit c'est Jean chapitre 6. Donc la parole est rendue vie pour lui. Maintenant, pour nous, c'est la littérature. Et lorsque nous lisons, ça nous entre en contact avec l'écriture, avec notre mentalité, avec notre cerveau. Pour que ça renouvelle, ça renforce notre cerveau. Mais pour que ça prenne vie en nous et prenne effet dans notre vie, il faut que l'esprit le prenne pour le mettre dans le cœur. Amen. Amen. Voilà. Je vais seulement donner son 34 pour vous montrer ce qui arrive avec moi. Il y en a plein comme ça. Oui. Même chose. Oui. Posez des questions, épuisez votre question parce que quand je vais passer à Douala, il ne faut pas que vous me posiez encore des questions. Oui. Comme je te disais qu'il y a quelqu'un qui me parle, mais je ne sais pas comment l'écouter. Oui. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est que quand je suis par exemple. Quand je sors comme ça que je vois les autres, je vois par exemple les enfants qui passent avec leur jouet en jouant. Et le jouet par exemple, ça peut être un ours comme ça, qui ressemble au gorille. Et quand je le vois, je ne vois pas vraiment le jouet de l'enfant. Je vois, c'est comme si... C'est l'esprit. L'homme, il ne peut pas imiter Dieu et le... Et fait une créature comme Dieu a fait. Comme Dieu comme ça. Et puis je dis, ah mais pourquoi ça me vient de penser comme ça? Et parfois quand... je sais pas, mais... Tu avais dit que tu avais des questions, quand je vais venir, tu ne dois même pas me lâcher. Je veux comprendre en fait comment... je pense que c'est vraiment... Il y avait des passages, par exemple, quand je lisais, je ne comprenais pas. Et maintenant, quand je les lis et quand je suis dans la vie courante, c'est comme si quelqu'un il me dit, voilà Gigi ce que tu avais lu, voilà ce qui se passe, mais je ne le vois personne. Mais tu veux le voir qui? Tu veux le voir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint? Personnellement, mais toi-même, tu as prié pour lui demander que Seigneur guide-moi et conduis-moi dans l'enseignement de vérité. C'est à montre-moi ta parole, éclaire-moi. C'est pas ça que tu as fait. C'est ce que je priais. Ah, et quand tu pries comme ça, pourquoi quand il vient sur la scène, tu poses encore la question, est-ce que c'est vraiment lui? Qu'est-ce que les chrétiens veulent me juger? Comment tu veux maintenant me créer le conflit entre lui et moi? Mon sœur, quand il répond mal là et que c'est lui, il dit c'est pas lui, j'ai le problème. C'est ça, non? Oui. Mais tu as fait cette prière là, lui demandant cela. Oui, donc ça veut dire qu'en priant, tu ne croyais pas qu'il devait répondre. Ou bien tu avais ta façon qu'il devait répondre. Parfois, je vois que je fais des prières et je me dis que Dieu. Bon, je crois en Dieu. Qu'il était occupé au Cameroun au point, il n'a pas occupé le client. Parfois, je m'assois comme ça, je vois que c'est la réponse à la prière que j'avais faite et moi-même, j'ai déjà oublié que j'avais demandé ça à Dieu. Et là, tu fais comment? Je me souviens de la prière et je dis gloire à Dieu et il m'a répondu. Mais un jour, maintenant, tu demandes vraiment si c'est lui. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il agit, donc Dieu va agir aujourd'hui, demain, Satan agit. Demain, c'est l'ennemi qui agit, demain, c'est Dieu qui agit. Donc, chaque jour, chacun a son tour chez toi, n'est-ce pas? Soyez sûr et certain de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr et certain de Dieu que vous servez, vous ne pouvez pas avancer. Vos routes seront parsemées de doutes et des embûches. Et ne fonctionnent pas avec le doute. Vous devez être sûr qu'il est là, que c'est lui qui est là. D'accord? Sinon, comment faire pour approcher avec quelqu'un et lui dire que voici telle chose, comme je vais dire à cette maman-ci là maintenant, si tu n'es pas sûr de ce que tu as vu. Oui, c'est sûr. Je ne veux pas dire que non, un cœur m'a dit que tu n'as pas deux cœurs. Qu'un cœur m'a dit que je peux me tromper. Dans ce domaine-là, on ne se trompe pas. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. D'accord? S'il y a une science le plus exacte que l'exactitude, c'est la foi. La voix du Saint-Esprit, elle est toujours vraie. Hier vers 22h, alors que je me portais pour aller chez la sœur Jésus, je me suis souvenu, c'était là que je t'avais appelé, non? Je me suis souvenu qu'en fait, il y a de cela peut-être 2 mois, j'avais rencontré une Congolaise au niveau de la préfecture de Tanger. Et en discutant avec elle, elle m'avait fait son cas, qu'elle avait son problème. Le cancer du sein. Le jour-là, j'avais comme si une frisson qui était entre moi depuis la tête jusqu'aux pieds. Et alors que j'avais des problèmes, des difficultés, j'ai vu qu'en fait, mon problème, c'est rien, quoi. Parce que je boudais à l'instant-là, pendant que j'étais en train d'attendre l'autorisation, je boudais. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma situation? Donc, c'est après que je me suis dépassé, approché de cette fille, que le Seigneur me fait voir qu'il y a quelqu'un qui a un cas plus grave que lui. Que t'as pris le tien, voilà. En discutant avec elle, elle me fait voir qu'en fait, elle a un cancer de sein. Et donc, c'est là où j'ai eu cette frisson-là. Oui. Quand je suis venu à la maison, j'ai parlé de ça à la jeunesse. Puis, il y a pas, c'est juste demain là, j'ai senti la voix, je sais que c'est la voix du Saint-Esprit. Parce que quand ça me conduit, c'est toujours pour quelque chose d'exact. Oui. Appelle cette fille-là, cherche son numéro, appelle-la. Oui. J'ai demandé à Jaurès. Jaurès m'a donné son numéro. Oui. Exactement, je l'ai eu hier. Oui. Et j'ai fait la prière, Seigneur, si telle est la fille que toi tu as disposée pour qu'elle écoute le message que tu as envoyé à ton serviteur ici au Maroc, alors fais que son cœur soit disposé de venir. Oui. Quel que soit ce qu'elle a à faire, qu'elle laisse cela pour venir. Amen. Et elle m'a répondu très gentiment ce matin, disant qu'elle va venir. Et elle a eu tout simplement l'empêchement, elle ne viendra pas parce qu'elle a un problème avec son cou. Oui. Donc, je lui ai dit, si ça sera possible avec mes frères et sœurs qu'on puisse venir chez toi, on va voir ce que Dieu va disposer. Amen. Voici comment le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour quelqu'un que j'ai oublié, je ne la connais pas. Après, c'est lui qui te revient en esprit pour te parler. Voilà. Je ne la connais pas cette fille-là, je l'ai juste rencontrée au hasard, mais bien, elle est venue comme ça. Je déclare que les morts, ils ne reviennent plus. Oui. Tu veux qu'ils reviennent, ma soeur? Non, mais moi, j'ai quelque chose qui s'est passé dans ma vie que même mes propres parents n'ont jamais cru. Oui. Quand j'étais encore au collège, il y avait la grande soeur d'une des femmes du petit frère de notre père était morte. Et puis, je l'ai d'abord vu une semaine avant sa mort. Je l'ai salué et se rappelait plus de moi. Et puis je me suis... Ça, c'est physique. Ça, c'est physiquement. Parce que j'étais catholique, donc je l'avais vue à l'église catholique. J'ai parlé avec elle après la messe, comme ça. Après, elle est partie et je suis rentrée. Une semaine après, ou 7 ou 8 8 ou 9 jours comme ça. Après, on me dit qu'elle est décédée. Mmh. Mais je ne suis jamais allée à la veillée parce que j'étais trop petite pour la veillée. Et après, quelques jours plus tard, ça faisait même pas un mois. Je pense même une semaine. Là, tu avais quel âge? Là, je pouvais avoir au moins 13 ou 14 ans comme ça. Après, j'étais sortie, je me dirigeais vers l'arrêt de bus. Je l'ai aperçu. En fait, c'était après l'enterrement. Je l'ai aperçu. Ça, c'est physiquement? Oui, physiquement comme ça. J'ai d'abord dit non, j'hallucine, c'est pas elle. Après, j'écoute la voix, c'était bien sa voix. L'habillement, le physique, je dis mon Dieu, c'est pas possible. J'ai commencé à trembler sur place comme ça. Et après, je voulais vraiment regarder son visage en face comme ça. Elle portait aussi les lunettes. Elle s'adressait à deux jeunes filles. Et puis, je suis restée comme si j'étais devenue immobile. Je ne pouvais plus bouger. Oui. Mais quand j'ai cherché... Mais ça, c'est en plein jour. Il y a les gens. Oui, mais c'est toi qui le sens tout simplement ça. Oui. Voilà. Après, les gens qui étaient à côté, je ne sais pas s'ils la voyaient ou pas, mais je voulais vraiment la fixer comme ça. Et elle faisait tout pour ne pas me fixer. Et puis, elle m'a tourné le dos. Et elle a fini de parler aux deux jeunes filles. Une a été plus âgée que moi, mais l'autre pouvait avoir mon âge. Elle est partie et les deux jeunes filles sont rentrées au CHU, l'hôpital général de Chine. Elle était morte où? Elle était morte au Congo, à Brazzaville, dans son quartier là-bas. On l'avait mise dans la morgue là-bas. Oui, on l'a enterrée. Oui, il dit la morgue, on l'avait mise c'était dans cet hôpital là. Non, comme j'étais enfant, la morgue, on est là-bas, non? Ok, donc on l'avait mise dans cette morgue là. Je me pose la question pour voir la chose, oui. Oui. Après, Mais et quand elle parlait à ces deux jeunes là, les gens semblaient lui répondre. Les filles écoutaient seulement ce qu'elles disaient. Personne ne répondait. Elles ne répondaient pas, elles écoutaient seulement ce qu'elles disaient. Après, elles ont fini, sont parties. Oui, après, elles sont parties. Moi, je suis restée là comme si je ne pouvais pas bouger. Oui. Après, j'ai voulu me diriger pour demander les filles. La dame là, elle est déjà morte. Pourquoi vous parlez avec elle? Et quand j'ai voulu me rapprocher, c'est comme si quelqu'un m'a tiré. Qui te dit qu'elles sont vivantes? Oui. Après, je me retourne, je vois personne. Je dis, je deviens folle. J'ai commencé vraiment à trembler comme ça. Et quand je suis arrivée à la maison, je tremblais de la tête aux pieds. Quand je suis arrivée, j'ai dit... Tu sentais la chose parcourir? Oui, comme ça, là, comme ça. C'est comme si je disais là que j'allais mourir. J'arrive à la maison. Je dis à ma grande soeur, elle me dit, oh, fais-moi la paix, Oui. Après, je lui ai dit, écoute, si je meurs, je t'ai dit ce que j'ai vu. Après, je pleurais, je tremblais, elle me dit, on dirait que c'est sérieux. J'ai commencé à pleurer comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je vais mourir? Après, elle, c'était pas son problème. Jusqu'à ce que les parents sont rentrés, j'ai encore réexpliqué la situation. Personne ne me croyait. Il y avait un homme de Dieu, là, un pasteur là qui venait, souvent prier à la maison comme ça. Lui, quand il est arrivé, j'ai vite couru envers lui. Moi, je lui va comprendre. Oui, je l'ai expliqué comme ça. Après, il me dit, oh, ne t'inquiète pas, les morts ne reviennent pas. Je dis, tout le monde est pareil ici. Et puis, je suis restée comme ça. Il a dit que tout le monde est pareil ici, personne ne m'écoute. Et puis, il y avait une de mes grandes sœurs là aussi. Elle n'est pas vraiment de ma famille comme ça. Ma cousine, je l'appelle comme ça. Et elle m'a dit, on va aller voir les pasteurs. Non, on va aller voir un prêtre comme ça. Elle va prier comme on était des catholiques comme ça. Après, elle n'était plus revenue. Et quand elle est partie maintenant à son travail, parce qu'elle, elle priait quand même beaucoup par rapport aux autres. Mais elle est catholique, elle aime beaucoup les choses de Dieu. Quand elle est partie à son travail, il y a une femme... soi-disant, elle avait eu la vision, elle a dit, tu as une petite soeur qui a vu quelqu'un qui était morte comme ça, elle vous a expliqué, vous ne voulez pas la croire. Il faut savoir que le jour-là, c'était le jour de sa mort, et l'esprit était revenu pour la chercher. En principe, j'allais disparaître comme ça, vivant. On devait chercher sans te voir. Oui, avec l'esprit en question. Après, elle a dit, ah bon, c'est vrai. quand elle est arrivée à la maison, elle m'a dit, voilà, c'était quand elle a dit, c'était le jour de maman, j'ai commencé à trouver un oubli comme ça. Après, elle a dit, on va aller chercher à voir les hommes de Dieu, on va prier. On n'a jamais fait ça. Alors que si on devait t'amener, un homme de Dieu était là le jour. Là. Non, mais tu sais, moi, c'est la thèse. Oui. Après, il s'est passé. Je suis arrivée maintenant en seconde. J'arrive en seconde, je la revois encore, la même dame. Maintenant, cette fois-ci, j'étais partie à un anniversaire. La première fois que tu l'as vu, tu étais en quelle classe? Je pense que j'étais en troisième. Après, quand je l'ai encore vu, j'étais à mon anniversaire. Ma copine, elle est venue dans les RAV4. Il y avait le chauffeur, son père qui était devant, sa maman derrière, sa grand-mère, et puis la femme morte là, dans la voiture cette fois-ci. Et puis, comme c'était la famille, elle m'a dit, viens saluer mes parents. Et je suis allée les saluer. J'ai salué tout le monde. Et pendant que je posais, sa maman me posait les questions sur... mes parents, est-ce que tout va bien? Salut les parents, comme ça. Pendant que je parlais comme ça avec elle, la femme monte, je parle comme ça, je la regarde, je salue les autres personnes qui sont ici, mais je la regarde comme ça. Et quand je tends ma main, elle me touche. Je ne sais pas, mais j'ai senti... Attends, les gens qui étaient dans la voiture savaient qu'elle était là, hein? Quand j'ai posé la question le lendemain, parce que ma cousine, là, on était ensemble à l'école, elle m'a cité tout le monde, sauf la dame. Sauf celle qui était là. Voilà. C'est ça, j'ai pas compris. J'ai dit, toi, tu l'as pas vu. Non, il n'y avait personne. Que les membres de sa famille. Oui. Elle m'a cité tout le monde, sauf la femme. Oui. Et quand toi, tu saluais, tu t'es tourné pour la saluer aussi. Quand je saluais, je ne savais pas que c'était elle. C'est quand elle a touché ma main comme ça. C'est comme si on m'a mis la main au frais. Ça a commencé à être glacé. Oui, comme ça. Après, j'entends encore, c'est comme si quelqu'un me dit, regarde la personne que tu salues. Je fais ça. Quand je l'ai regardée, cette fois-ci, on était face à face. Elle a fait ça. Elle ne voulait pas me regarder. Elle commençait à faire, comme un enfant, comme ça. Comme si elle était jeûnée. Et moi, dans mon regard, je lui disais... Parce que ma grande sœur, elle m'avait dit, si jamais tu parles dans ton cœur, oui, tu lui dis, c'est pas toi qui l'as, c'est pas moi qui l'ai tué. Dans mon cœur, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me veux? C'est pas moi qui t'ai tué. Après, c'est comme si elle écoutait ce que je disais, je sais pas. Mais tu n'as pas parlé avec ta bouche. Non, pas avec la bouche. C'est comme si ta voix allait se trouver. Oui. Je crois que toi et moi, on va causer. Continue tes choses. Après, oui, continue nos choses. Elle est restée à me regarder comme ça. Du coup, j'étais plus de bonne humeur. J'étais devenue très pâle. Mais les gens qui étaient tout autour ne comprenaient pas ce qui t'arrivait. Non, personne. Et c'est comme si le temps s'était arrêté et s'était arrêté en pause directement. Oui. Et les personnes ne semblent pas voir que quelque chose est passé. Oui. Avançons. Et là, maintenant, j'avais peur pour moi. Je dis, avant, on avait dit que j'allais mourir. Cette fois-ci, c'est sûr, parce qu'elle m'a touchée. Et je l'ai vue comme ça. Après, je n'ai pas voulu continuer encore la fête d'anniversaire. Je commençais vraiment à paniquer comme ça. Et j'ai demandé à rentrer chez moi avec un ami. Il me dit, attends, on va venir te chercher. J'ai dit, non. Si je dois mourir, je dois mourir chez moi à la maison. Il faut que j'aille dire à mes parents ce qui s'est passé. Je l'ai expliqué, il me dit, non, ce n'est pas possible. Tellement je tremblais comme ça, il me dit, je ne sais pas. C'était un ami là et il m'a accompagné. Et je suis arrivée à la maison. Toujours j'ai dit, on ne me croit pas. Mais moi, je te crois. Peur à Dieu. Moi, je te crois, d'accord. Et je vais t'expliquer ce qu'il en est. Oui, frère, mais tu veux parler de quelque chose qui est lié à cela. Oui. Ok, si tu as toi à voir lié à cela, tu finis par. Et puis je parle donc maintenant ce que j'ai vu avant de venir ici concernant ceci et c'est pour toi. Bon. Ça fait depuis trois jours. Je voudrais parler de. Quand on lit dans la Bible, on voit que le Seigneur, chaque fois, il est en train d'interdire aux Israélites de ne pas consulter les esprits des morts. Cela suppose qu'en quelque sorte, il y avait des gens qui consultaient effectivement les esprits des morts. Exactement. Le fait que la Bible dit que les morts ne reviennent plus à la vie ne signifie pas qu'il n'y avait pas accès à eux. Dieu voulait tout simplement. J'ai oublié de préciser. Voilà. Avant sa mort, sa maman, c'est une. Vous connaissez les femmes qui font les fétiches pour donner. que les gens aient beaucoup de marabouts, c'est le marabout cache, oui. Comme ça. Oui. Et elle avait fait des trucs pour avoir un homme riche. Oui. Elle avait beaucoup d'argent, mais avec le marabout. Voilà. Donc, là, quand je dis que ne consultez pas les esprits de mort, ça suppose qu'il y a des morts, les esprits de mort, effectivement, qui rôment, qui travaillent tout autour de la terre. Et il y a des gens qui invoquent ces esprits. On peut, un bel exemple dans la Bible, c'est celle de. Oui, de Samuel. Quand de Samuel, Samuel, oui. Quand celle-là a invoqué l'esprit de Samuel. Prophète, de Samuel, l'esprit est devenu effectivement. Voilà. Je ne veux pas tout simplement que nous contactons les esprits de mort parce que nous ne connaissons pas le domaine de ce côté-là. Et c'est un domaine vraiment de puanteur. Là, voilà. On peut entrer dans les différentes dimensions et dans les cieux. Au-dessus de nous et un peu sous la terre en expliquant cela, je vais arriver, mais je vais dire quelque chose. Il faut d'abord que. D'accord. Ecclésias, chapitre 9. Ecclésias. Il y a des choses que si vous lisez seulement la Bible comme ça, là, vous n'êtes pas entré dans d'autres dimensions, on ne peut pas savoir. On est mixé, c'est pas là-bas, mon cher. Après, on me fasse quelque part au milieu. Ecclésiaste, chapitre 9. Il y a des choses qui se passent dans le monde, dans notre monde. Que si vous dites à quelqu'un, vous lui présentez ce qui se passe, il ne veut pas croire. Ou bien si je dis comme ça, là, la personne ne veut même plus sortir. Il va comme ça avoir des choses. Donc mieux tu ne dis pas. Donc, c'est pour ça qu'il veut parler à un monde donné, il veut parler en parabole. D'accord? Versets 5 et 6. Qu'est-ce que ça dit? Oui. Dis mon cher frère, au revoir. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais la mort ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. C'est ce que la Bible déclare. Voilà ce que la Bible dit. Mais curieusement, quand le Seigneur vient, il nous dit, il faut vraiment comprendre ce que la Bible nous dit ici. Quand le Seigneur vient dans Luc chapitre 16, allons là-bas, Luc chapitre 16. Luc, le chapitre 16, vous y êtes. Aidez quelqu'un à ouvrir rapidement pour qu'on avance. Luc chapitre 16. Voici les domaines qu'il faut expliquer aux gens. Parce que il y a des gens et des enfants surtout qui ont des événements spirituels qui vivent. Beaucoup ne parviennent pas à parler, beaucoup sont frustrés, beaucoup gardent ces choses dans leur cœur, ils grandissent avec ça. Et on ne parvient pas à les comprendre. Parce que s'ils disent, on va les taxer de fous et autres là-bas. D'autres même, si c'est dans les chaînes blancs, on va les envoyer dans l'asile des fous. Oui, mon frère. Allez, c'est comme mon cas. Hein. Oui. Moi, je rêve de mon maman constamment. Hein. Oui. Tout le temps, elle est avec moi. Tout le temps. Tu dis, et vous causez. Tout le temps. Tu es fatigué. Fatigué. Tout le temps. Et quand je parle de ça à ma cousine, elle me prend pour quelqu'un qui hallucine, quelqu'un qui fait des choses. Quoi. Mais pourtant, pour toi, c'est réel. C'est des événements réels. Je ne parle à personne parce que personne ne peut me comprendre. Je ne comprends pas. Moi, je vois ma maman partout. Oui. Je la vois partout. Voilà. Donc beaucoup de personnes en souffrent comme ça là. D'autres personnes voient des gens, des morts, d'autres voient des esprits. D'autres même vous pouvez asseoir, vous avez l'esprit se tient là-bas et dit que non voilà, et fuis. Tais-toi. Tu tapes l'enfant. Prochain moment, quand l'enfant voit, il ne parle plus. Mais il y a une explication sur la personne qui voit. Il y a une explication. Verset 19 à 31. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que les frères vont lire alors? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même, Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Amen. S'il y a un moment où il y a des témoignages des morts de l'enfer, c'est notre siècle ici maintenant. Mais la Bible est très claire là-bas en finissant en disant que s'ils n'écoutent pas les prédicateurs sur la terre, même si le mort revient, on parle, ne comprendront pas. Alors maintenant, une chose nous est dit ici, comparativement à ce qu'on a lu dans Ecclésiaste chapitre 9. Dans Ecclésiaste, nous avons dit que les vivants en effet savent qu'ils mourront. Les morts ne savent rien. Vous voyez, on dit les morts ne savent rien. Mais vous regardez ici, vous voyez que cette personne-ci qui a passé de l'autre côté était consciente de là où il se trouve, conscient du fait qu'il y avait ces gens, les gens de sa maison qui faisaient comme il faisait. Et il dit qu'on amène le conseil qu'il ne continue pas le style de vie qu'il est en train de mener sur la terre parce que ce style de vie-là m'a amené ici. Il faut qu'ils évitent ce style de vie-là. D'accord? Maintenant, ça veut dire premièrement que la mort, c'est la le passage d'une dimension à une autre. Donc, nous faisons clair. C'est nous qui crions ici, oh, mon mère, mon père, oh, là-bas. Quand il ferme les yeux, il se trouve dans une autre dimension. Et le problème là, c'est que les dimensions se trouvent entremixées. C'est ça le vrai problème. Les dimensions se trouvent entremixées. Dans une autre dimension, les lois de cette dimension sont totalement différentes de celles-ci. Ici, pour que je puisse te passer ici dans la porte, il faut que j'ouvre cette porte-ci pour avancer. Lui, pour avancer ici, il traverse. C'est une autre dimension là. Mais pourtant, les deux dimensions sont au même endroit. Elle dit qu'elle était dans un endroit où prenait le bus pour prendre la voiture. Et subitement, elle se trouve là-bas. Donc, c'est les mêmes dimensions. La terre n'a pas changé. Le CHU n'a pas changé. C'est elle qui est entrée dans cette dimension. Quand ça fait, généralement, tu as comme personne, c'est vers le crépuscule. Comme si le soleil s'était arrêté. Comme si on a mis pause. C'est comme ça quand tu vis ça. Quand tu as mis pause. Quand tu vas être là-bas, tu peux être debout comme ça pour au moins 10 minutes. 15 minutes, même une heure. Tu vis un événement. Mais quand tu tournes là, tu crois que tu as seulement fait comme ça. Là. Parce que les dimensions sont en train de te quitter d'une dimension à une autre. Vous avez fait la physique quantique. Vous avez fait la quantique. Ok. Bien sûr. Ok. Quand le Seigneur va permettre qu'il parle de cette physique quantique-là, avec les découvertes de quartz, les années-lumière là, je vais parler dans cette chose-ci. C'est avec ça qu'ils voyagent là-bas. Vous avez fait les lois de Maxwell, non? Le retour inverse de la lumière. Ok. Ce sont ces choses-ci. Donc elle a quitté de la dimension d'une autre à l'autre. Mais la différence maintenant entre elle et ceux qui font dans la sorcellerie, c'est que ceux-là utilisent les lois des deux dimensions étant conscients. C'est-à-dire qu'ils décident, par exemple, de se projeter à un endroit. Ils décident de se projeter en utilisant les mécanismes qu'ils ont appris dans l'initiation. Alors qu'elle se rend compte seulement qu'elle est dedans, sans connaître comment ça se passe. Elle entre dans une dimension, elle en sort sans en être celle qui contrôle. C'est pas ce que vous comprenez. Donc ça veut dire qu'elle est prédisposée dans ses constitutions à voir dans notre dimension. C'est ça qui est problème. C'est pour ça que ça dérange les gens qui vivent comme ça. Parce que quand tu vis, tu es incompréhensible. Tu vois les choses que les gens ne voient pas que c'est toi qui as voulu pour voir. Mais Dieu a constitué son esprit comme ça. Et donc, remarquez très attentivement que quand elle a dit, quand elle voulait voir son visage, elle s'est tournée. Donc, elle était consciente qu'on était en train de la voir. Ah oui. Elle était consciente. Quand tu t'es tournée, elle se voit comme ça. Je reste de parler même des visions sur le Seigneur Jésus. Vous voyez ces choses-là. Donc, quand tu te tournes, tu veux la regarder, elle se tourne comme ça pour ne pas te voir. Parce qu'elle sait que quelqu'un doit la regarder. Parce que dans cette dimension, quand tu te regardes, les regards parlent. Les regards parlent. Donc, tu n'as pas besoin de vous t'abonner. Toi, je te connais. On ne dit pas ça là-bas. Parce que dans cette dimension-là, les facultés, les ouïes et autres là-bas, c'est pas ça. Tout cause. En regardant quelqu'un, tu entends ce qu'il en a dit, il entend ce que tu en as dit, sans que vous n'ouvrez la bouche. Dans cette dimension-là. Là maintenant, on ne peut pas aller avec le verset biblique pour comprendre ceci. Parce qu'il y a des choses dans d'autres dimensions. Tu voulais parler, frère? Oui, concernant ce que j'ai vu de ta famille, non? C'est bien de cela peut-être trois jours. Quand je dormais, en fait, c'est comme si j'avais de l'écran qui m'était projeté devant. Et j'étais pas dans le lieu. Oui. Et puis je voyais une femme agonisante, oui. membre de sa famille. Mm-hmm. Ce qui m'était donné de comprendre, c'était un membre de sa famille. Oui. Elle était souffrant d'une maladie terminale. Oui. Et puis, je l'ai vu venir, j'ai dit, tiens, il y a un membre de ta famille qui est agonisant, elle va mourir. Mm-hmm. J'ai essayé de prier pour elle, mais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, ne prie pas. Ne prie pas, non, c'est la mort. Oui, je n'ai pas prié. J'étais aussi avec ma petite sœur. Oui. Puis, par la suite, j'ai vu deux hommes venir, deux vieillards, et le Saint-Esprit m'a dit, ce sont les deux vieux-là qui sont, ils sont parmi ceux qui veulent... La cause de la mort, oui. C'est alors que ça finit comme ça, je me fais... Et là, tu lui as dit... Oui, j'ai dit ça, Jésus, c'était hier même, c'est la fin hier, oui. J'ai exposé ça. Et tu as dit quoi, ma chère, Jésus? Il m'a parlé d'une maladie. Tu as commencé à pleurer? Non. Ok. Je sais que c'est pas tout le monde de ma famille qui sera aussi sourd. Je peux continuer. Ouais. Alors, lorsqu'on est dans cette dimension-ci, ces personnes se trouvaient dans cette dimension-là de façon physique. Ils avaient quitté la dimension de la terre à l'autre dimension de l'autre côté. Et voulaient chercher des tentatives pour communiquer avec cette autre dimension-ci. Je me dis que c'est une plaie possible. C'est cette loi-là qui est dans Ecclésiaste chapitre 5, le chapitre 9 qu'on a lu. Il y a cette loi-là. Quand on quitte une dimension et une autre, on ne doit plus communiquer avec l'autre dimension. C'est donc pour ça que Dieu interdisait que ceux qui sont de cette dimension, c'est sur le soleil. Parce qu'il a dit tout sur le soleil a un temps. Quand ton temps est arrêté sur le soleil, il faut quitter. Quand tu quittes sur le soleil, c'est pour aller sur une autre part. Et donc là, tu ne peux pas avoir une relation avec ceux qui sont sur le soleil. Et vice versa, il a interdit aux gens qui sont sur le soleil de les contacter. Parce qu'on ne quitte pas d'une dimension à une autre en contactant. Dieu n'a pas permis cela. Les contacts se font par des tunnels, des tubes. Dans les films qu'on le trouve, on parle de ça, Stargate, dans Stargate, on parle de portes des étoiles pour aller dans notre dimension. C'est ça dont il parle là-bas, pour contacter l'autre dimension. Alors, ça se serait pu. Maintenant, le problème, c'est que ça se trouve maintenant dans les esprits. C'est-à-dire que cette porte-là, ça se trouve dans les esprits des personnes qui peuvent pouvoir faire ce voyage-là dans le tunnel. En fait, le voyage se passe plutôt à l'intérieur, pas à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune femme? Comment ça s'est passé? Comment expliquer cela? C'est aussi simple que possible. C'est qu'en réalité, c'est elle qu'on voulait tuer. Et la personne a échoué. Comment? La personne qui avait donné le message, j'avais oublié. Elle avait dit ça. Oui. Elle a dit que le premier jour, là, oui. Elle allait disparaître avec moi. Oui. Mais quand je l'ai fixé, il y avait une lumière en moi. Oui. Qui l'a pas permis de me prendre. Je vais au-delà de cela. Avant sa mort, c'est toi qu'elle devait livrer. On devait la prendre, on n'a pas pu. Donc, elle veut là comme ça accomplir sa mission, là, ce qu'elle avait échoué. Donc, je ne sais pas si vous avez permis ça. Où est le problème? Essentiellement, je peux le demander. Bon, écoutez. On dit par exemple, va faire telle chose. Tu dis, ok, j'ai échoué. On dit, ok, maintenant, va. Comment il va expliquer cela? Ok, écoutez très attentivement. Lorsqu'on quitte ce corps-ci, ce n'est pas automatiquement qu'on descend au séjour de mort. D'autres personnes, quand ils quittent le corps, ils descendent automatiquement. D'autres personnes qu'il est plusieurs années avant de descendre. Il est. C'est pour ça que vous allez vers la mort, vous voyez les gens, ils sont en désemparés là-bas. L'autre est à côté de son corps, il cherche son corps. L'autre est en train de marcher, il parle, il ne sait pas ce qui est arrivé. Dans les scènes des accidents, ça se trouve partout. Ils sont en train de crier, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne sait pas, je partais à l'école, il ne sait pas ce qui est arrivé, il a perdu la maison. Mais il bavarde comme ça là. Il ne comprend pas qu'il est dans une autre dimension. Et c'est tout qu'il est en train de voir. Où est la maison? Tu connais la maison d'un tel? Personne ne le regarde, personne ne le jette. Dans l'autre dimension, il a de la souffrance en disant, qu'est-ce qui ne va pas? Juste à petit, il commence à rencontrer les gens dans cette même dimension-là, qui sont égarés. On les appelle les esprits errants. C'est ça dans la Bible, parle là-bas. Les esprits errants. Les patrons qui m'entendent l'appellent les Gorgorées. Les quoi? Son émission-là, ceux qui connaissent l'émission, les patrons qui m'appellent les Gorgorées. Ah ouais, de toute façon, les satanistes doivent connaître ce que je t'en ai dit. Ils parlent aussi de ça. Oui, les patrons qui m'entendent parlent de ça. Il est spécialiste dans ces histoires-là, la métaphysique et tout. Ok, donc il ferait bien de même pas entrer là-bas, qu'on m'appelle sorcier, mais non, c'est pas ça. Donc, dans ce domaine-là, quand il rencontre des gens qui ont été dans ce domaine-là, qui ont appris dans ce domaine-là à comprendre, cette personne maintenant commence à apprendre que donc, on lui apprend maintenant qu'il est mort. Que les gens que tu rencontres, à qui tu parles, ne te comprennent pas parce qu'ils ne te voient pas, ils sont dans l'autre dimension. Ces choses-ci, je ne sais pas comment faire pour qu'on puisse saisir ça. Alors, à un moment donné, donc, lorsque ton temps est arrivé, parce qu'il y a des gens qui, dans cette église, on parle que leur fil de vie est coupé. Ça veut dire que tu quittes la terre alors que dans l'heure que tu n'étais pas prévu. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le con, c'est la sorcellerie. On prend quelqu'un sur le même, tu meurs comme ça, là, et on dit qu'on va te faire travailler quelque part. Chez nous, il y a Andimba. Au Congo. Oui. C'est même dans ma tribu. Quand il veut finir, il veut venir sur vous deux, c'est que j'ai vu. C'est là 3 jours, d'accord? Alors, ces choses-là, ça se passe normalement ici avec le corps de la femme là. On prend la personne corps, âme et esprit pour pouvoir le garder et utiliser dans une autre dimension qui passe de dimension à une autre. Et la personne est comme si la personne a été déboussolée parce qu'en fait la personne est déréglée. En réalité, la personne, on amène son cœur en dessous du rythme normal détectable par les choses humaines que le médecin utilise, là, vous appelez le cardiogramme. Pour qu'il soit déclaré cliniquement mort, le cardiogramme voit que la ligne, que le sinusoïde soit linéaire. Quand le sinusoïde est linéaire, on dit que le médecin enlève le truc, il dit que c'est terminé, qu'il est mort. Il est déclaré cliniquement mort. La personne entend tout ce qu'on fait à côté de vous, il n'a pas la puissance pour les élever. C'est cet état-là donc que les gens sont souvent sur le lit. Quand les esprits les oppressent, ils entendent tout ce qui est tout autour d'eux, mais ils ne peuvent pas réagir. C'est à cet état-là qu'ils mettent les gens. Vous entendez qu'on vous appuie. Vous pouvez savoir qu'il y a telle personne à tel endroit. On ouvre la porte, vous savez qu'il y a tel endroit. Même vous souhaitez même ouvrir pour dire que s'il vous plaît, venez me te délivrer. Si vous vouliez même dire, mais ça vous êtes conscient. Vous pouvez entendre les musulmans faire ces choses, les enfants de jouer. Mais vous êtes paralysé sur le lit. C'est dans cet état qu'on met les gens. Ceux qui sont de moi. Moi, je vis ça tous les jours. Grave, n'est-ce pas, frère? Bienvenue. Ici, le bienvenu à Tangier. Amen. Il faut que ces choses-là soient, ça s'arrête. Amen. D'accord. Amen. Donc, ce sont ces choses que les gens vivent. Et sur le plan physique, c'est ça qu'on fait pour le formulaire, ce que vous avez appelé dans votre tribu là. C'est ça qu'on met là. Quand on fait comme ça, vous allez l'enterrer. Ils ont des incantations pour le faire sortir. Et quand on peut le faire sortir maintenant, on lui met un autre esprit maintenant qui le contrôle désormais. Alors, ils sont comme ce qu'on appelait dans les films là, les zombies. On le contrôle maintenant à distance. C'est comme si c'était un robot qu'on le contrôle à distance. Et là, on peut le faire téléguider et se transporter en un instant. Comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc ce qui se passe. Maintenant, ce qui arrive maintenant, c'est que lorsque tu es comme ça, et que le temps normal de ta vie, parce que pour les autres qui te connaissent, tu es mort, tu es entré dans ton tombeau là-bas. Mais arrêtez, tu n'es pas mort. Parce qu'on a coupé le fil de ta vie, on a métamorphosé, on t'a zombifié. Alors, lorsque vous êtes comme ça, lorsque vous allez vivre dans l'autre dimension, là, avec ces choses-là, le moment arrive où vous mourrez véritablement. Enfin, il faut quitter maintenant ce monde-ci. Là, maintenant, votre âme va aller soit au séjour des morts, soit aller au sein d'Abraham. Mais ceux qui sont nés de nouveau, on ne peut pas le faire ces choses-ci. On ne peut pas le faire cela. Lorsque on t'a pris, si c'est les esprits des autres qui t'ont pris, tu pars en prison là-bas, quand tu meurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque ce sont les gens maintenant qui sont entrés à voir avec les abîmes du céleste, ton âme va là-bas. Ou bien quand c'est les gens, les esprits des forêts, tu vois là-bas, il y a plusieurs prisons dans la terre et sous la terre et dans les cieux. N'est-ce pas, frère? Les habits, on les enchaîne. Donc, dans les séjours de mort, c'est pas compatible. Donc, voilà ce qui se passe au milieu de nous. Et donc, plusieurs autres personnes sont des envoyés du diable au milieu de nous, qui peuvent quitter d'une dimension à une autre. Il suffit de saluer quelqu'un dans la rue comme ça et que ta situation, ta vie bascule à partir de là. Il suffit que quelqu'un te regarde ce moment-là, il lui met sur sa vie, ça fait pam. Et là, tu es initié à la sorcellerie. Maintenant, lorsque cette femme-ci, on essaie de la tuer, on ne réussit pas. Ce qui fait que la personne, même dans la mort, on lui promet que si tu pars, tu réussis ta mission, on va te faire revivre comme tu veux. Cet esprit qu'il incarne et qu'il utilise dans la sorcellerie vient donc pour pouvoir la prendre, pour accomplir la mission qu'elle a. C'est donc pour cela que Dieu la met dans une autre dimension, pour que son corps spirituel se combat. Mais c'est pour sa vie spirituelle que Dieu permet de voir cela, parce que Dieu peut te la défendre sans qu'elle ne voit cela. Tu vois, parce que la personne, les deux personnes qu'elle a vues entrer à l'hôpital sont des gens aussi qui sont morts. Et parle avec elle, parce que si elle parle avec elle, la personne continue à partir. Ceux qui sont à côté ne voient pas les moments qu'elle ne s'est passé. La preuve, elle est assise dans la voiture, les gens ne savent pas qu'elle est dans la voiture. Alors maintenant, voici un autre problème. Vous voyez que vous allez rouler votre voiture. Quelqu'un est assis à l'intérieur de votre voiture. Vous ne savez pas qu'il y a un mort dans la voiture. Donc, elle peut arriver quelque part. Si elle est assez puissante, elle te fait, toi qui as le conduire comme ça. Tu dors. Vous entrez au frère. Elle vient dans tes oreilles et dit, fais le dépassement. Tu fais le dépassement lorsqu'une voiture est venue en face. Vous êtes au frère. Vous voyez effectivement qu'il faut que notre aller, notre retour, que ce soit couvert par Jésus, n'est-ce pas? Donc voilà une preuve que vous allez comprendre qu'on doit se méfier de ce monde-ci. Avancez, donc posez des questions et puis je vais revenir en place. Il dit, j'ai vu quelque chose dans ces trois jours. Quand il a dit d'expliquer cela, c'est là que je comprends maintenant parce que vous êtes lié dans cette vision-là. J'ai vu les choses qui sont arrivées là-bas. C'est dans la même vision. Ta fille a donné ce qu'elle veut avant qu'elle nous chante les cantiques ici. Si elle veut quelque chose à ce qui est de manger. Elle veut quoi la fille? Non, non, c'est fait quelque chose devant, il y a la boutique ici dedans. Oui, ça va, le sirop là avec du lait. Tu m'arraches. Oui, oui. Le verre. Elle veut quoi? Non, c'est déjà que... Elle ne fait pas ça. Elle veut pas ça. Attendez, laissez sa maman lui de s'occuper d'elle. Viens t'asseoir, tu occupes ses écoute si c'est pas ça. Vous commencez à plus haut point. Laisse-la, allons-y. Des questions. Oui, moi j'ai une question. C'est... Pendant que tu en as parlé, tu as grandi avec ça en toi, ça ne t'a jamais quitté, n'est-ce pas? Non. Toutes ces visions-là. Tu te rappelles quand tu étais venu, quand je leur ai parlé de toi, je leur ai dit. Je pense que si le frère Junior ne m'explique pas ça, je ne sais pas, mais je ne crois pas que je pourrais trouver quelqu'un qui pourra. Je leur ai dit ça il y a comme ça. Oui. Oui, moi j'ai une question. Donc bon, finalement, la question est venue. C'est dans la Bible. Donc finalement, tu as une question maintenant. Bien sûr. En fait, c'est en rapport avec la grâce, c'est dans la Bible. Oui. Dans Ésaïe 49, oui. Verset 8. Oui. On va voir aussi dans le commentaire. Ici, il est dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici. 1 Corinthiens, maintenant, voici maintenant le temps de grâce, parce que le jour du salut. Dans 2 Corinthiens. Vous ne connaissez pas bien le fait. Dans 2 Corinthiens 6, il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors ma question, c'est quoi la grâce de Dieu? Non, continue. Oui, on peut continuer juste. Là, il cite ces versets-là maintenant. Oui, car il est dit au temps de grâce, je cite maintenant Esaïe. Moi, je voulais m'arrêter dans des Corinthiens où je viens de lire. Oui. Il est dit, voici maintenant, dans des Corinthiens, il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Parce que dans Esaïe, il est dit, au temps de la grâce, je vous exaucerai. Et dans... Ici, après cette phrase, il dit, voici maintenant le temps de la grâce, Dieu vous a exaucé. Et il dit donc, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exaucerons par de cette grâce-là en vain. Nous vous exaucerons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors, la question c'est? C'est quoi la grâce de Dieu? Bonne question. Lorsqu'on lit la Bible de cette façon-là, il faut faire attention. Parce que grâce dans la Bible signifie plusieurs choses. Il y a des grâces qu'on a reçues. Il y a des périodes signifiantes, périodes de grâce. Il y a des grâces qui sont encore à venir, qu'on n'a pas encore. Tu comprends? C'est un peu comme le mot salut. Quand les gens prennent le salut de la Bible, quand on le salut, le salut. Après, comment on va bavarder les choses, on prend tel verset, on met en rapport avec ceci, alors que ça n'a rien à voir. Ce sont les choses. Donc, il faut les dresser une liste. Quand les versets disent, quand le salut ici veut dire la même chose, il va te donner deux ou trois passages concernant la grâce là maintenant, que tu vas voir, d'accord? Maintenant, quand tu prends le verset ici, tu vois que le salut, grâce ici, veut dire une chose. Il y a quelque chose qu'il est en train d'appeler ici par grâce. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Versets 11, 12 et 13. Versets 11, 12 et 13 de Tite 2. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Stop. Donc tu vois qu'ici, on veut définir la grâce de Dieu comme la source du salut pour tous les hommes. Alors si ici la grâce de Dieu est définie comme source de salut pour tous les hommes, on parle là du Seigneur Jésus. A été manifesté. Tu as vu l'annoncement? Pourtant, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là-bas. Alors là-bas, on parle d'une période où cette grâce-ci, dont on a parlé ici, se manifesterait. Et durant là, on parle de la période de la grâce. Et dans cette période de la grâce, Dieu fait des grâces à chaque personne. Par la grâce de Dieu qui m'a été faite. Une faveur, une priorité de Dieu. Qui m'a été faite durant cette période de la grâce. Je suis en annonçant cette grâce, cette bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, j'annonce cette grâce-là aux païens. Dans un autre endroit, la grâce veut dire même la bonne nouvelle. D'accord? Donc tu peux pas dire que la grâce de Dieu c'est telle chose. Non. La grâce de Dieu a plusieurs orientations et plusieurs ramifications dans les Saintes Écritures. Alors que ici, dans ce passage, c'est particulièrement, on parle là du Seigneur Jésus. Parce que la source du salut, c'est le Seigneur Jésus. Donc la grâce de Dieu, c'est le Seigneur. Là, on veut parler. Lorsque Paul dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Non, la faveur que Dieu vous a donnée, la faveur que Dieu vous a accordée, ne prenez pas ça en vain. Ne soyez pas ridicule avec cette grâce-là. Un peu comme on a dit maintenant, ok, maintenant, comment on a dit, regarde, dans le livre des Romains, on va dire que la grâce, là où le péché avait abondé, la grâce sera abondée. Là maintenant, c'est quoi donc? Tu vois que là, c'est le Seigneur Jésus. Ça veut dire que Dieu a fait fi du péché, comme même si le péché était n'importe comment, il fait fi de cela. Il vous fait grâce de ces péchés, tandis que je vous déclare donc justifiable. Tu vois cela? Donc, ce n'est plus une autre définition, comme on a dans l'Antique 2, dans ce qu'on a dans le livre d'Esaïe. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire que c'est un peu comme dans le mot âme, comme vous disiez dans la âme dans la Bible. C'est ça qui a fait nos frères avec les témoins de Jéhovah. Quand il prie, on dit que l'homme devient une âme vivante. Il dit non, l'homme c'est une âme. Il s'arrête sur le verset. Alors tu vois là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, on dit que Dieu, le Dieu lui-même se sent, vous sanctifie lui-même. Que votre âme, votre corps et votre esprit. Âme, corps, esprit. À cet instant-là, leur doctrine a des problèmes. Parce qu'on dit que cet être-ci a un corps, puis une âme et un esprit. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas avoir ce genre de problème? Il faut prendre tous les versets et les mettre dans le contexte, en les réunissant, les versets qui veulent dire les mêmes choses. Pour ne pas dire que okay, comme je vois âme ici, ça veut dire que l'homme si c'est l'âme. Et le jour qu'on va montrer un homme a une âme, comment quelqu'un qui a une âme est-il l'âme? Et Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer eux le corps et faire jeter l'âme dans la géhenne, n'est-ce pas? Ça commence à poser problème avec les doctrines. Parce que tout simplement, on a commencé à prendre que âme veut dire hein, le corps. Pourquoi on s'arrête là-bas? Or, âme peut vouloir dire le corps dans un passage. Âme peut vouloir dire tel passage. Quand tu prends cela dans la globalité, tu n'auras pas de problème avec les Écritures. Tu vois? Tu prends la théologie fils de Dieu. Tu vas voir dans la Bible, on parle de fils de Dieu. À un moment donné, fils de Dieu se réfère aux anges. Fils de Dieu se réfère au fils de la lignée des sept. Tu vois un peu cela, n'est-ce pas? Et là, maintenant, ça veut dire que chacun il lit le verset, chaque fois, il faut que je m'attends à ce que soit fils de Dieu ici veut dire ange, soit ça veut dire le fils d'Adam, soit ça veut dire le Seigneur Jésus. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Dans un contexte maintenant, c'est dans le contexte du verset qu'il veut savoir à qui on a laissé référer là-bas. Si c'est manque fils de Dieu dans la Bible, chaque fois c'est les anges. Tu auras des problèmes lorsqu'on va dire que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'on est devenus les anges, frère. Donc, il faut faire attention avec les terminologies bibliques, d'accord? Vous savez, dans les enseignements, chaque fois, il dit, il faut comprendre le langage de Dieu. Quand tu comprends le langage de Dieu, tu n'auras jamais de problème. Ça ne sera pas une pierre d'achoppement. D'accord? Des questions? Et lorsqu'on dit, Dieu fait grâce, oui. À qui il veut et comme il veut, oui. Il faut... on parle donc de quelle grâce? Ça veut dire qu'il ferme les yeux. Ici, c'est fermer les yeux à qui il veut. Ça veut dire que si tu fais quelque chose de mauvais, il fait comme s'il ne voit pas. Et c'est plein dans les Écritures. Il, vous ne verrez nulle part où il a demandé à Moïse que pourquoi tu as tué l'Égyptien. Il n'a jamais demandé ça. Pourquoi tu as pris une femme égyptienne et une femme mandianite alors que tu es censé être de la loi pour amener la loi aux gens pour interdire qu'on ne doit pas prendre ces choses. Il dit dans ses Romains chapitre 19, là comme tu l'as cité, il dit j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce, j'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. C'est pour ça que quand on lit ça, ça devient curieuse. On dit dans ce cas, tu me diras pourquoi donc blâmes-tu encore qui est-ce qui est-ce qui peut résister à sa volonté. Donc il y a des gens dans la Bible, quand tu vois Salomon, la Bible déclare dans 1 Roi chapitre 11, qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, il y a beaucoup de femmes au point où ces femmes inclinaient son cœur, ce qui ne fut plus entièrement à Dieu. Vous posez la question, ok, Salomon est en enfer, les questionnements vont commencer, pas vrai? Oui. Il sera en enfer? Non. Dans ce cas, pourquoi? La grâce de Dieu. Ok, mais si tu pas fait comme lui maintenant, tu vas être en enfer ou pas? C'est clair. Ok, vous voyez là, n'est-ce pas? Oui. J'ai cette chose-là que je vois toujours. Même oui. Maintenant, là, elle est toujours là. Je sais que c'est une personne. Oui. Donc, quand il y a l'obscurité, je vois. Mm-hmm. C'est comme une luminosité. Oui. Je sais que une boule de lumière. Une boule de lumière qui englobe. Oui. Voilà. Oui. Je ne sais pas pourquoi cette présence ne poursuit pas. Et comme que vous voulez. Qu'est-ce que cela font là-bas? Ils veulent parler de ces choses-là maintenant. Ils sont. Ils veulent parler. Oui. Toujours comme ça. Il dit qu'on peut parler. Il demande si on, toi, si on peut parler. Oui. On peut parler sans que ça. Non, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Le prénom, il n'y a pas de soucis. Mmh. Tu n'as pas de voisin ici. Si on voit sur le mot, il n'y a pas de soucis. J'ai vu une vision vous concernant pendant que j'étais en train de prier pour vous depuis 3 jours. J'ai vu une vision, c'est quand elle expliquait cette chose-ci que je voyais que vous êtes dans cette vision. Parce que ce qui est arrivé dans cette vision, c'est que c'est cette jeune femme dont elle en a parlé que j'ai vue. Parce qu'elle est terrible. Elle est venue jusqu'à Casablanca me trouver, cette femme-là. Ah oui. Là, ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, trop. Elle est venue chez le frère Francis me trouver. Et j'ai vécu. Mais elle avait dit quelque chose, parce que là, cette chose, je ne sais pas si ça a travaillé avec toi ou travaillé avec toi. Mais quand j'entends la vision, c'est les visions sont liées parce qu'il y a deux événements clairs que l'un concerne celui-ci et l'autre concerne. Mais elle avait expliqué maintenant pourquoi vous me dites dans quel cas ça concerne. Écoutez, très attentivement, deux personnes sont mortes. Et là où j'ai vu, on a amené le corps de la personne, il y a les bancs, pas les chaises. Il y a les bancs. On a mis son cercueil quelque part. Les cercueils. Il y a les bancs comme ça. Les gens sont assis. C'est, il y a un banc où les gens s'asseyent pour pouvoir pleurer. Mmh. Et après, quelqu'un encore mort, toujours dans la même famille. Donc, deux personnes. C'est d'abord ma grand-mère, oui, qui était morte en 2009, oui, puis en 2013, ma mère. Mais la chose que je vois, c'est que la patriarcie, c'est que l'endroit où on met le corps, où on a mis le corps, les gens ils sont là pour la festivité. Après, on va finir, on va aller enterrer. J'ai vu les bancs. C'est-à-dire les bancs. Chez nous, on a l'habitude, au Congo, après sa vie, l'habitude, on utilise les chocos souvent, on peut utiliser les bancs. On boit, des, ouais, choses comme ça. Voilà. Moi aussi, dans ma famille, les histoires passées, oui, parce qu'on a... Je l'ai dit comme ça, parce qu'à l'issue de Sissi... Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Celle qui a la... Parce que dans notre village, oui, c'est elle qui a la réputation de la plus grosse sorcière. Sorcière, voilà. Non, je voulais arriver là-bas parce que la personne-ci a travaillé les morts, oui, qui sont passés. Maintenant, oui, il y a son fils et sa fille. Son mari, oui, et sa fille qui sont morts, oui, successivement. Le père, il est mort quand la fille est rentrée d'Italie. Quand elle a vu le corps, elle aussi, elle est tombée à la mort. Voilà. Tu sais pourquoi je t'en ai dit? Parce que tu m'as expliqué exactement ce qu'il y avait dans la vision. Parce que dans la vision, elle avait peur de me regarder mon visage. Ah. Et il y avait une malédiction pour quelqu'un. C'est là où ça touche maintenant celui-ci dans sa famille. Il dit, je ne peux pas comprendre ce que Dieu fait les choses là. Donc, c'est deux je mots. Je la vois beaucoup dans les rêves. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que vous êtes assis côte à côte, non? Hé, frère Jobert. Voilà pourquoi vous êtes côte à côte. Tu vois, vous vivez le même événement. vous êtes côte à côte. Et frère Julien, la personne là, donc, c'est moi. Attends, j'arrive. Oui, tu dis. Parlons d'elle. J'ai fait le même rêve trois fois. Mmh. Première fois, j'ai vu son fils. Oui. Qui est très très riche dans nos familles, oui, et il venait pour me dire on a besoin de toi, il faut que tu rentres, oui, dans le rêve comme ça, mm-hmm, et moi je lui ai dit non. Attends, et toi qu'est-ce qui t'est arrivé dans le rêve? Dans le rêve aussi par rapport au pays. Ah oui, concernant la famille est toujours contre moi, hein. Oui. Moi je rêve toujours la famille, tout le monde est contre moi. Oui. Il m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Les deux, là, il dit que c'est lié. Et je leur dis, en fait, c'est pas moi. Regardez la personne. Parce que c'est comme j'ai l'impression dans les rêves, hein, mm-hmm, je prophétise des choses. Dieu, oui, me montre des choses concernant la personne qui fait ces choses-là. Oui. C'est pas moi. Mm-hmm. Je n'ai pas le regard, c'est telle personne qui fait ça. Mm-hmm. Ça, je viens ici, oui. On dit que tu rentres au pays, qu'on a besoin de toi au pays. Non. La façon dont tu me disais ça, non, là j'étais pas encore au Maroc, j'étais toujours au Congo. Mmh. Et donc, il me dit, il faut que tu rentres. Oui. Mais la façon dont tu me disais, il faut que je rentre, c'est comme s'il fallait que comme si je devrais intégrer leur cercle, des trucs comme ça. Mmh. Et puis moi j'ai dit non, je ne vous appartiens pas. Mmh. J'ai toujours donné la même réponse, je ne sais pas comment je trouve ça. Mmh. Deuxième fois, donc l'année prochaine, cette année j'ai fait le même rêve, l'année prochaine je rêve, mais non cette fois-ci, c'est un être que je ne connais pas, que je ne peux même pas décrire, j'ai juste vu le bas comme ça. Oui. Il me parle, il me dit, parle comme l'air comme ça, il me dit, il faut que tu rentres, on a comme besoin comme de une toi. Autorité. Oui. Comme s'il me grondait comme ça. Mm-hmm. J'ai répondu la même chose. J'ai dit, je ne vous appartiens pas. Mm-hmm. Après, je me suis revue. Toujours comme ça. Troisième fois maintenant, je vois la femme, parce que je la connais. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Mm-hmm. Maintenant, cette fois-ci, je l'ai vue. Elle-même, elle est venue. Oui. Elle m'a dit, dans ma langue patois, il faut que j'entre. Oui. Comme si elle m'obligeait, il faut que j'entre, il faut que je... Genre, je suis trop têtue, quoi. Elle me parlait comme ça. Et puis j'ai refusé. Mmh. Et là, je ne sais pas. Et quand j'ai quitté maintenant le Congo, je suis venue ici. Mmh. Frère Junior, c'est seulement cette année que je ne vois plus cet esprit-là. Mmh. Partout où je passe, quand je dors, je ne comprends pas. Quand j'ai même des projets sur les pays que je veux continuer mes études, quand il m'appelle au téléphone, il me dit « Ah, ça va, les études, ça avance. » Après, j'entends mes soeurs qui me disent « Oh, on a dit que toi, tu veux aller à tel endroit. » Alors que tu n'as dit à personne. Oui, j'ai dit « Mais comment ?» Et puis la présence qui me survient. Quand je venais ici, il y avait un pasteur, il m'avait dit que la présence là vient pour m'étouffer, pour que je ne prie pas. Mmh. Et il m'a dit que quand je vais venir au Maroc, je vais comprendre beaucoup de choses qu'on utilise, comme ça, je n'ai pas compris. Mmh. J'étais très jeune. Après, quand je suis arrivée, à chaque fois que je dors, même quand j'étais avec mes colocatrices comme ça, je leur pose des questions. Vous n'avez pas senti ce qui s'est passé la nuit dernière? Personne. Je sais à quel moment l'esprit en question peut venir. Mm-hmm. Je peux sentir que il va venir. Oui, aujourd'hui il va venir. Mm-hmm. Ou bien je dis non, pas peut-être demain. Quand il vient, je ne peux plus dormir. Parce qu'il me réveille dans mon sommeil. Parfois je me fâche, je dis moi je veux dormir, laisse-moi tranquille. C'est comme ça. Bienvenue dans le monde spirituel, d'accord? Ne t'inquiète pas, ça va s'arrêter, d'accord? Je rêve trop fréquemment de ma soeur, ma demi-soeur, parce que c'est la fille de mon père. Elle m'harcèle trop sexuellement dans mes rêves. Quoi. Elle m'harcèle trop. Et quand cet événement arrive, c'est hors de ma volonté. Oui. Je vois par la suite, c'est la famille maintenant qui vient pour me faire des problèmes. Oui. Donc, en général, je vois aussi l'autre soeur, ma demi-soeur aussi, l'autre, Oléba, elle est ma grande soeur. Elle m'accuse toujours. Oui. C'est comme si on voyait des problèmes ou des accusations toujours entre moi et elle. Et d'ailleurs, quand j'étais au pays, elle m'avait accusé de quelque chose dont je n'avais pas fait. Elle m'avait dit ceci, même si tu deviens général de l'armée du Congo, moi je ne viendrai jamais demander de l'argent chez toi. Ce qu'elle m'avait dit. Bienvenue à Tanger. Et... Tanger, ça n'est pas dit danger. Hein. Tanger. Bienvenue. Donc ces deux-ci sont liés parce que je vous ai dit, j'ai vu le corps successivement s'est positionné. J'ai vu, donc j'assistais à la dépouille. Oui. Donc j'assistais là-bas. Et j'ai vu ce qui est arrivé à cet être-là. Et j'ai vu ce qui est arrivé. Mais franchement, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le même message que c'était elle qui avait tué et son mari et sa fille. Oui. C'était les sacrifices quand elle était rentrée, les premiers temps qu'elle est rentrée dans la société. Même si nous, jusqu'aujourd'hui, elle menace même le président quand il vient dans notre territoire comme ça. Donc, en fait, c'est dans le village qu'on cite seulement son nom, tout le monde. Ce que j'ai vu dans cette vision, c'est parce qu'il me marque particulièrement, c'est que cette personne-ci avait un style de masque. Que lorsque vous la voyez physiquement, vous ne savez pas que c'est elle qui peut être cause derrière. Parce que je voyais la menace qui était faite là-bas. On disait que tu dois confesser ton identité. Il y avait deux personnes qui l'avaient tenue. Pour vous menacer, tu dois confesser ton identité. On sait que c'est toi. Donc elle faisait des changements. Étant enceinte que elle était d'une lumière à une autre dans l'obscurité. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer cela. C'est exactement. Donc c'est juste que ce que je regardé à la vision. C'est ça qui est venu à Casablanca. Je l'ai vu là-bas. Donc, son visage n'était pas détectable. Cacher son visage. C'est pour ça qu'elle a parlé. Cacher son visage, il dit, ah, je m'en comprends. Parce que dans mon esprit, quand elle venait, elle savait que c'était le frère Joven que j'ai vu. Parce que j'ai vu, parce qu'il y a une parole de malédiction qui a été prononcée là-bas. C'est en cela que cette parole-là concerne plutôt celui-là. Donc quelque chose arrive. Parce qu'en fait, c'est un même événement de sorcellerie qui se passe dans les deux camps. Et les sorcelleries, les choses sont similaires. C'est terrible. Parce que quand on a prononcé ces paroles de malédiction, j'ai vu que donc, quand on a prononcé ces paroles de malédiction concernant, j'ai vu quelque chose aller dans sa famille, dans cette famille-là, comme un filet. Vous savez, quand vous marchez, il y a l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, ça vient sur le visage. C'est venu sur le visage, tout dans la famille. Il dit que cette malédiction sera dans la famille. Il dit, ah. Oui. On va prier. En fait, cette présence-là qui vient souvent me troubler, c'est quand je finis d'étudier. Parce que moi, j'aime étudier. Même quand je n'ai rien à faire, je passe mon temps à apprendre des choses, à étudier tout ça. C'est au moment où je finis d'étudier, quand je monte, on dit que ça vient. Il veut sucer ton cerveau. C'est que tu as sucer. C'est pour cela que j'ai étudié 5 fois la licence. Oui. J'ai compris cela comme ça. Sinon, moi, je suis très intelligent, j'ai déjà fini mon doctorat déjà. Depuis. Non, bloqué. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous avez vidé votre sac, non? Il y a encore plein de choses. On vient, oui. Ouais, okay. Quelque chose concernant mon voyage. Donc, ça veut dire qu'il faut que. Il faut que. Mais un jour, tu avais dit que tu regardes, tu te souviens de cette lettre, c'est d'un point A à un point B. Et tu m'as dit que tu n'as pas compris. Non. Après, tu as compris. Non, je n'ai pas compris. Que tu vois qu'il était d'un point A à un point B. Ah oui, là, maintenant, j'ai compris. Ah ah. C'est pas jetant. Concernant ce que vous m'avez dit, un jour, une fois, vous voulez écrire, vous voulez m'appeler. Et puis, j'ai écrit docteur. Quand il se venu, il m'a comparé de cela. J'étais étonné le jour-là. Je suis à Douala, il écrit, il dit frère Jobin, tu vois que mon doigt est écrit docteur. Il dit c'est quoi? Il lui dit mais docteur, je me suis le frère Jobin. Je vais effacer ça. Il me dit non, ça c'est ton titre. Docteur en quoi? Mais il ne savait pas qu'il était un docteur. Il était doctorant. Après, il dit ok, j'ai dit, je vais laisser ça comme ça. Pour voir ce qu'il en est. Donc, Dieu, que Dieu te bénisse. C'est la possibilité que je continue. Non, c'est que tu vas y arriver. D'accord. Mais t'es dit ton pays t'attend. Maintenant? Non, pas maintenant. Okay. Ton pays t'attend. Parce que maintenant il y a la crise là-bas. Non, ton pays t'attend. Il y a un enseignement que cache sur le Congo. Il y a des prophéties que j'ai dit qui ne sont pas encore publiées. Il faut que le frère va publier ces prophéties là concernant ton président, concernant ton pays. Parce que moi, j'ai parlé des deux Congos, le soleil qui s'élève au Congo. Ouais. Dans un autre enseignement, quand il est là-bas, j'ai donné les détails. Non, ce n'est pas encore publié. Quand il va publier ça, il faut qu'on en sache. Parce qu'il faut que moi, j'écoute ce qu'il a dit là-bas, dans ces jours-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un général dans votre brousse qui crée des problèmes, il crée des dons et sacrifices. Ah oui, je sais pas. Mais quand je dis travail, j'ai parlé qu'il y a un général dans la brousse qui fait des sacrifices. C'est pas bon. Donc il faut des sacrifices dans les visions. J'ai parlé de cela, il faut qu'on. C'est pour ça qu'il faut que le disque là soit arrangé. Ça se trouve à l'intérieur. Depuis l'année, depuis ce rentrée du Congo, il peut le temps d'arranger ça pour envoyer au frère. Au frère. Il faut qu'on publie cela. Et moi, concernant la vision que j'avais eue là, oui. Où j'ai vu un responsable au cadre du Congo mourir là. Oui. Franchement, tu avais dit que tu allais nous expliquer ce que tu nous avais donné le frère Melchi et moi concernant le duo. Oui. Et la prière que vous avez fait, ce qui est arrivé. Oui. Mais l'atmosphère avait changé. Oui. C'est comme si quand j'aurais été le duo, je dors bien. Et puis quand j'aurais pas le duo, c'est comme si tout revient, quoi. Mais eux, ils ne comprennent pas dire ce qui s'est passé. D'accord. Quand on était en ligne avec le frère Junior, en fait c'était ça, mais le frère Meshi et moi, et puis à la fin, le frère Junior nous a donné un audio sur les délivrances. Et on a commencé... Les extraits de délivrance, comment on prie pour les gens, oui. Là. On a commencé à écouter les... Il lui a dit, quand vous allez écouter, vous mettez ça même en dormant, vous mettez, vous priez. On a fait exactement comme ça. On dormait avec ça à volume moyen. Après, le premier jour, le deuxième, le troisième jour, le quatrième jour, moi quand je suis allée à la douche, j'ai craché du sang. Oui. Et j'ai pensé que j'étais blessée dans la bouche. J'ai cherché les plaies partout, je ne trouvais pas. Deuxième fois encore, le même jour, je crache encore comme ça, c'est le sang. Après, j'appelle Meshi, je lui dis, Meshi, est-ce que toi, tu as eu quelque chose? Il est dans le temps avec la science. Il a dit que la science dit que c'est sûr que. Telle formule, elles peuvent s'appliquer. Mais le frère Meshi me dit non, moi je n'ai rien comme ça. Après je lui ai dit, j'arrive chez toi, on va parler. Quand je suis arrivé chez lui, on a parlé, il m'a dit non, je suis, peut-être que tu souffres des dents, que tu as un problème, comme ça, vérifie bien. Je lui ai dit, moi j'ai jamais souffert des problèmes buccaux, je n'ai pas ça. Et je ne suis pas blessée, je ne sais pas d'où sort le sang. Après il m'a dit, bon lui en fait il n'était pas trop dans ça. Après je suis rentrée à la maison, le lendemain encore la même chose. Quand je m'en vais pour aller en fait dans la douche, avant de me brosser, quand je crache comme ça, c'est le sang. Et après, j'ai commencé à me poser des questions. La séance. Tu n'as pas encore mis la relation entre ça et la, ce que tu écoutais chaque fois, la prière. Si, moi je mettais la relation sur ça, mais c'est le frère Meshi qui me disait que non. Ça peut pas être ça. Oui, ça peut pas être ça. Peut-être que je suis blessée dans la bouche. C'était comme ça. Et après, j'attendais la prochaine séance pour t'expliquer ce qui se passait, mais on n'avait pas eu. Une séance. Et puis moi j'ai dit non, je continue à écouter l'audio. Et le truc, c'est quand j'écoutais l'audio, quand la partie où tu disais écoutez maintenant cette voix. Oui, cette voix qui va théoriser toute puissance maléfique. Mais donc, quand la voix l'a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi je tremble. Je dis ah, pourquoi je tremble? C'est bizarre. Et C'est tout. Ok. Ah. Bon, là, le Dieu là, c'est la voix là qui est dedans, non? Oui. Tout le monde écoute. Tu peux mettre là, tout le monde écoute, mais qui est en train de parler dedans? C'est là, là est la question, d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut prier alors ici? Demain, il faut qu'on commence à 9h. 9h d'ici, d'accord? 9h du soir. Non, 9h du matin. Comme ça, on a le temps de bien travailler. Et on pourra prier sans être, on pourra prier sans être dérangé. Oui. C'est comme le dimanche, ça dérange, ça dérange ici. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Il a des bras, c'est parce qu'il a des bras. Ok, il y a même si tu ne vois pas maintenant, même demain matin. La soeur Gigi, que Dieu te bénisse, d'accord? Je suis envoyé au milieu de vous. Pour que tous les liens qui sont attachés soient brisés. C'est pour cela que je suis là. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous n'avez plus rien à dire, mais tout ne va même dans le départ. Donc, frère, je vais demain, on va prier, n'est-ce pas? Pour les autres seigneurs. Moi, je vais m'attendre à 12h. Je ne peux pas rester là. Il sera au moment. Regardez au bâtiment. Oh. Ça, je vais essayer. Ah non, laisse-la parler. Pourquoi tu l'as trahi comme ça, ces choses? Quand elle parle d'un 9h, dis-moi, il cesse. Ne t'inquiète pas. Oh, Robert, comment tu trahis ma mère ici comme ça, là? Bâtiment. Oui, maman. Tu seras au demain. On va faire comment maintenant? Lorsque j'étais salé et que je me suis assis ici, lorsque j'ai baissé ma tête pour commencer à prier, si vous avez remarqué, dans la prière, j'ai hésité, j'ai ralenti un peu. Parce que subitement, lorsque j'ai ouvert les yeux, lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai vu une présence ici dans notre. Je ne sais pas si tu es au courant de cela, une présence nous envahit ici. Mais quand j'étais dans les deux jours, pour savoir de qui je viens, on dit que ça vient de toi. Tu es au courant de cela? Oui. Tu marches avec une présence. Mais dans l'église, là où tu pars, on a déjà pris, on t'a dit quelque chose concernant ceci. Quand, si tu ne comprends pas, il va expliquer clairement ce qu'il y en a. On prie souvent pour moi. Mm-hmm. Surtout, cette présence-ci, c'est l'obscurité. Quand on se présente ici, elle s'est présentée ici. C'est une obscurité, donc c'est là. C'est les ténèbres, ça t'engloube, ça t'entoure. Tu es entouré de cela. Maman, je peux vous indiquer quelque chose? Si je suis là-bas, ça te dit. Tu suis ce que je te dis, tu comprends? Je comprends. Il faut que cette présence te quitte. Oui, il faut parler, oui, frère. Oui, c'est ta mère, ton internet. Pour que cette présence te quitte, il faut que ça te quitte. Non, demain tu seras à l'église, non? Après l'église, tu seras où? À la maison. Mais elle est loin d'ici. Non, pas trop. Demain tu parles à l'église, alors. Ça parle mal, de la façon. Tu connais là où tu habites? C'est à côté de la mosquée là où on achète des histoires. Le frère Joubert me dit souvent qu'il est chez toi. Ah, ok. Bon, au-delà de cela, lorsque c'est. C'est juste à côté. Frère Joubert, lorsque ces choses seront détachées de vous, il va falloir que vous vous entraîniez dans la prière. Au-delà de l'écriture, c'est comme cela. En dehors de l'écriture, vous vous entraînez dans la prière. D'accord? Parce que après la prière qu'on va faire, la bataille va devenir rude à partir de cet instant-là. Ne soyez pas surpris que les esprits des ténèbres redoublent des fois en prenant même les esprits des musulmans ici pour venir maintenant vous jouer là-dessus, comme soldats. Ce sont les esprits alliés. Donc, quand la maman va venir de me parler de cet accouchement difficile, de quelqu'un qui concerne quelqu'un, l'accouchement difficile de l'enfant, d'accord? De mes enfants. Je vais parler de l'accouchement difficile de quelqu'un. De ma famille. Mm-hmm. C'est ça dont je viens de parler. Tu comprends ce que je viens de dire? Mm. Mais tu sais donc de qui je viens de parler? De l'accouchement difficile au point où on passe sur la table pour qu'on passe plutôt par le ventre. à naissance par, vous appelez, par césarienne. Tu sais de quoi ils sont parlé, là. Si ce n'est pas en parabole, je comprends. Non, non, c'est clair, c'est que ça avait dit ça, c'est clair. Donc, je parle de ces choses qu'on fait en ouvrant les gâteaux pour que l'enfant puisse sortir. Parce que la femme de mon petit frère, tous ces derniers accouchements, c'est par césarienne. On va en parler. Et elle venait même d'être opérée par césarienne. Ça ne fait pas 2 mois. Donc demain, va à l'église, il n'y a pas de problème. D'accord, maman. Va à l'église. Si je pars alors à l'église, je vais. Si vous venez le matin, vous allez être encore ici le soir. Non, on sort ici. Ton église là, ça dit de quelle heure à quelle heure? Jusqu'à 13h. Donc, 9h, on commence à 9h. Non, on part de 9h peut-être jusqu'à 17h. Mais cette voix qui parle de ces choses, c'est qu'on opère au accouchement difficile. Il faut suivre cette voix-là, d'accord? Et cette voix qui dit accouchement difficile, l'accouchement, on fend le ventre pour enlever l'enfant. Tu ferais mieux de surveiller cette voix, qui est cette voix qui parle là. D'accord, maman? Comment tu comprends? Ah non, elle a les oreilles, elle a les oreilles. Oui, j'ai compris, mais c'est en priant que je fais, ça va partir, non? Okay. Non, il dit suivez la voix. Suivez la voix. Ça, c'est un problème, d'accord? Cette voix qui parle là, c'est un problème. Il faut suivre la voix. Fils, moi, j'ai mon fils ici. Oui. Mon petit frère qui est ici, avec moi. Non, il n'est pas un problème. Il n'a même pas un problème. L'autre aussi, c'est que la voix parle est plus dangereuse que ce problème-là. D'accord? Ici, ça, c'est les mauvais camaraderies, tout simplement. Ça, c'est pas un problème. D'accord, maman? Donc, ça, c'est le petit problème. Ici, là où la voix parle, c'est là-bas qu'il faut suivre. Je vais alors surveiller comment mon fils. Bon. Les prières. Non, comment tu vas faire? Tu peux aller à l'église. Tu parles à l'église demain, non? Oui. Mais la voix dit que, regarde, il faut surveiller ici. On peut prier comme ça, on va. Demain, on va se rencontrer plein d'années, n'est-ce pas? Oui. Concernant la soeur là, qui, elle ne pourra pas être ici. Bon, elle est loin, elle est à quel niveau? Bon, elle est à côté de Vivo déjà. À Messland. Ça, c'est pas trop loin d'ici. Ok, mais de toute façon, on peut l'appeler au téléphone. Oui, on peut mettre le téléphone, on peut courir au téléphone. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prier à partir d'ici, d'accord? Prions. Francis, un de tes mains. Père, nous voulons te rendre grâce, te bénir encore pour les temps que tu as permis que nous passions. Lorsque nous lisons Esther, nous nous rappelons de cette parole de Mardoché qui disait « Qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu étais fait. » Seigneur, j'ai cette ferme conviction que c'est exactement pour un temps comme celui-ci que tu as permis que notre frère vienne et que tu nous visites au travers de lui. Et je te rends déjà toute la gloire par avance de ce que les vies des uns et des autres seront restaurées, seront libérées, seront délivrées de tous ces fardeaux qui nous empêchent de marcher dans la droiture, la fidélité, la conformité à ta parole. Seigneur, je prie que les cœurs soient disposés et je prie que les oreilles soient ouvertes, que les masques tombent, Amen. Que les écailles des yeux tombent, Seigneur, afin que l'aveugle voie, que le sourd entende, que le muet parle et que ta gloire soit manifesté et soit glorifié. Seigneur, je te remercie d'avance pour l'œuvre merveilleuse que tu as déjà accomplie. Parce que c'est déjà accompli, Père. Ce n'est pas quelque chose qui va être accompli. Ce qui va se passer n'est que la résultante de ce que tu as déjà décrété fermement dans les cieux et qui va s'accomplir de manière claire dans les vies de tout un chacun. Et c'est pourquoi mon cœur se réjouit, parce que nous verrons une fois de plus l'authenticité de la vérité, l'authenticité de qui est Jésus-Christ. Afin, Seigneur, tu te révéleras à nous pleinement tel que tu seras, et nos compréhensions seront claires de qui tu es. Merci, Seigneur, de ce que tu donnes cette soif, ce désir profond à tes enfants de te connaître tel que tu es dans une période comme celui-ci difficile, là où la confusion règne, là où les ténèbres sont en train de prendre de plus en plus la place. Tu te choisis, Seigneur, un petit groupe de personnes à qui tu as fait grâce de te révéler à eux conformément à ta volonté et à qui tu accordes la grâce d'être scellé de ton esprit. Oh Seigneur, que pouvons-nous te donner pour cette grâce infinie que tu nous accordes, sans que nous n'ayons mérité quoi que ce soit, sans que nous n'ayons fait. Lorsque nous venions dans ce monde, Père, nous ne savions pas ce qui nous attendait. Nous n'imaginions même pas ce que tu étais capable de faire pour nous et de nous. C'est une joie immense, c'est une grâce immense de savoir que le salut nous est accordé au nom de Jésus-Christ et que tu nous as accordé le scellement de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue pour cette vie, gloire te soit rendue pour cette paix, gloire te soit rendue pour cette vie que tu manifestes glorieuse, Père, telle qu'ils ne l'ont jamais vue, telle qu'ils ne l'ont jamais entendue, telle qu'ils ne l'ont jamais cru. Là, maintenant, ils le verront et le croiront. Et la différence se fera de manière claire et précise. Et je te bénis pour cela. Gloire te soit rendue de ce que ton esprit est là et de ce qui a pris le contrôle de toute situation dans la vie de chacun ici présent. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Petit tout, mes frères. Là, je dois vous dire juste une seule chose, mes frères. Croyez en Christ. Parce que ce qui va se passer est vrai. La visitation du Seigneur est réelle. Je vous le dis sincèrement. Ce que le Seigneur va faire, c'est réel. Ce qui va se passer dans ta vie, frère, dans ta vie, frère, dans vos vies, c'est quelque chose que vous n'avez pas entendu parler. Et que vous allez enfin découvrir la véritable visitation du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. On va dans l'autre coin de Tanger. Mais on n'est pas en danger, en Tanger. Amen. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, comme je sors alors de l'église, nous on sera ici à 9h pour commencer. On sera là jusqu'au soir. Donc, si tu sors de l'église, viens à l'église. Eh, maman. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est ma maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je parle comme moi. Je suis toujours avec elle. Comment pour vous? Que Dieu te bénisse. Comment pour vous? Amen, mon fils. Merci beaucoup. Tu m'as aimé sans m'avoir vu, non? Bonjour. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais je vous salue d'abord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci.